du coup, tu as une mauvaise réputation dans ton village maintenant. Oh, un petit peu. D'accord. On va dire que ça reste encore en mémoire, cette histoire-là. Sympathique. D'accord. On t'appelle tête de bite. c'est le problème. Simon, 27 ans de Lille, t'es là? Salut, ouais, Simon. Ça va? Ça va bien, et toi, Simon? Ça va, bonjour à tout le monde. Bah, salut. Bonjour. Salut. Bonjour, Simon, bienvenue. Alors, vas-y, raconte-nous, toi. On t'a fait des petits coups de pute aussi, Non, c'est moi qui l'ai fait, en fait, plus tard que samedi. D'accord. En fait, bon, c'est avec une collègue de travail, on se chamaille toujours un peu et tout. Et elle m'avait fait chier au travail un soir avant de partir en vacances. Et samedi, c'était mon dernier jour. Et pour me venger, en fait, j'ai été acheter 10 kilos de confetti. Mm-hmm. J'ai piqué ses clés de bagnole pendant qu'elle travaillait. Ouais. Et ni une ni deux, je suis parti sur le parking, j'ai allumé sa voiture et puis je lui ai mis 10 kilos de confetti le soir à 21h, elle était contente. Dans sa voiture. mais là, le soir, on a fait une soirée le soir même, en fait, et elle est partie avec sa voiture et tout, et puis je la rappelle le lendemain matin et tout pour prendre des nouvelles. Elle me dit, ouais, mais cherche pas, j'ai dégraissé, mais il m'en reste encore... Encore la blinde, elle a fait deux sacs poubelles, là, elle m'a dit, elle savait que c'était toi. Ouais, elle savait, ouais. Bah, elle se doutait qu'il n'y avait que moi pour lui faire ça. Et, bon, ça, elle l'a pris quand même avec le sourire, mais... Attends-toi à une représailles. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, ça monte crescendo, le truc, hein, tu vois. C'est ça. Bah, t'inquiète, là, le prochain coup, c'est un bon camembert bien dégueulasse. Mais non, mais des paillettes, ça se voit jamais. Dans l'aération de la bagnole, il y a un camembert. Le mec, tout le voyage, ça pue. Ah ouais, non. Il y a moyen de se faire plaisir. Et ça donne des idées, hein. Merci, Simon. Tu sais quoi, on va les utiliser dans cette émission, je te le dis. Je te remercie beaucoup, Simon. Bah, je suis en bas. Eva, justement, ma collègue, voilà, je lui fais plein de gros bisous. Et bon courage. Bonne soirée à vous. C'est salut. Clair. Salut. Rémi, notre auditeur, t'as été fantastique. On a passé une journée vraiment cool avec toi. Moi aussi. Il n'a pas vraiment aimé la bouffe que vous avez foulée. Elle filait vraiment dégueulasse. C'est pas grave. Je suis pas très chinois, tu vois. C'est pas grave. Rémi, tu devais passer la journée avec nous. Est-ce que tu veux passer un petit message, je sais pas, tes potes et tout? Ouais, alors déjà, dédicace à Lauriane, ma copine que j'aime très fort. Ah. Et qui est canon en plus. Elle est très canon. Merci, Alice. Quel canard. À la sœur de Cassim. Voilà, bien sûr. Qui t'embrasse aussi. Elle est bonasse, hein. Merci pour cette journée, c'était vraiment génial. Et je voudrais finir par un instant poésie. C'est un défi de mon ami. Alors, Mathis, je voudrais finir par cette phrase. Qu'est-ce que la vie, si ce n'est que la vie? Bravo. C'est bravo, Rémi. Bravo. C'est magnifique. Pas le fils du doc? Non, je sais pas, mais il veut faire de la radio. Il a un truc, hein, vraiment. Hein. Merci beaucoup, Rémi. Nous, on se retrouve dès demain sur Fun Radio à partir de 20h. Là, les filles. On souhaite bon courage à Doc, qui devrait avoir du mal à s'endormir. Là, non, tout va bien. Avec toutes ces grandes douleurs. Bonsoir, Marion. Bonsoir, Anso. Bonsoir. Comment ça va? Bah, super bien. Et vous? Nous bien. Moi, j'ai gagné avec mon équipe contre Karel. Éclaté. J'ai fait saigner Doc. Mais oui, on est au courant, mais ça va, Doc? Non, mais j'ai gagné, en fait, il oublie de dire. Il essaye de se rattraper, il a perdu, alors il raconte qu'il m'a blessé, mais enfin bon. Et vous savez quoi, je l'ai même vu pleurer à un moment donné. Ça risque pas. Il est con. Je l'ai capturé à la fin. Ouais. Il était tout péteux, larmes sur la tempe. Bien sûr, on verra tes bleus demain et tes cicatrices. En tout cas, Doc, ça te va très bien, le côté fier comme ça te va très bien. Oui, t'as remarqué. Hein. Ouais. Par contre, il m'a impressionné. Il se débrouille pour semblant d'avoir gagné, mais il a perdu. Il m'a impressionné, Doc, parce qu'il a protégé Katoche. À un moment donné, il a cru qu'elle était morte. Et il s'est précipité, il a dit « Ma Katoche !» Il a réanimé le poulet. Parce qu'elle était déguisée en poulet. Je rappelle la vidéo, là, très bientôt, qu'on vous mettra. On vous souhaite une bonne émission, les filles. Éclatez-vous bien. Bisous, salut. Les chéris, à demain. Bisous, à demain. Salut. Avant, le dimanche, c'était téléfoot, repas de famille chez les grands-parents, interminable, Michel Drucker, un film le soir qu'on a vu 22 fois, un bon dimanche bien moisi comme on les connaît, quoi. Alors moi, j'ai décidé de casser la routine. Tiens, viens là, la routine. Donc, pour un dimanche réussi, vous allumez votre radio et vous écoutez le Night Show de Marion Yanso. Ça commence quand? Eh ben, maintenant! Tous les soirs. 22h minuit. Welcome to the Night Show! Marion. Et Anso. Et Anso. The Night Show. The Night Show. Sur Fun Radio. On est de retour. Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Fun Radio. Ouais. C'est Marion et Anso. Vous êtes dans le Night Show. Vous êtes donc dans la seule émission radio présentée par deux meufs. Mmh. Et c'est un kiff de vous retrouver tous les soirs, là, du dimanche au jeudi. Sachant qu'en plus, vous nous avez manqué particulièrement ce week-end. Oui. On était hyper en kiff de se retrouver avec toute l'équipe aujourd'hui parce qu'on s'est retrouvés très tôt. Je vais pas tout vous dire, mais on a tourné une vidéo tout à l'heure tous ensemble. Une vidéo très mouvementée. Une vidéo qu'on a eu du mal à faire. Une vidéo qui resserre les liens. Voilà. Et donc, ce sera en ligne dès demain. J'ai lancé un petit concours tout à l'heure avec Anso sur Twitter. Ouais. Essayez de parier, essayez de trouver le thème de cette vidéo. On offrira des packs fun à ceux qui arrivent à trouver. Pour l'instant, on n'est pas sur des bonnes réponses. Hein. Non, c'est vrai. C'est vrai que ça rame un peu, en fait. Ils sont partis dans des délires. On donnera peut-être un petit indice tout à l'heure, mais soyez bien au rendez-vous sur la chaîne YouTube demain. Comment ça va, Anso? Bah, très bien. Super bon week-end. Pas très reposant. Beaucoup de fêtes. Ouais. Beaucoup de kiff. Et voilà, on est et de retrouvailles. Et de retrouvailles. Avec. Qu'on embrasse. Voilà, avec, avec quelqu'un qu'on embrasse. Hein. Il nous écoute ce soir? Ah, peut-être, c'est, ouais, c'est possible. Ah, il garde Wacha là? Évidemment. D'accord. Eh ben, bisous à Wacha et à la personne. Bon, en tout cas, ce soir dans l'émission, vous avez gagné votre PS4 avec le jeu The Last Guardian dans le Wesh Seki. Hein. Il faudra juste faire deviner 4 stars sur 6 à papa ou maman pour gagner. Et puis, vous allez aussi gagner vos invites pour la Paris Games Week qui sera avec Fun Radio du 27 octobre au 31 octobre. On aura aussi Yacine qui veut des conseils. Eh ben, Yacine, il y arrive un truc qui arrive à plein de gens. Il veut sortir de la friend zone. La fameuse. Voilà. Et puis, Cyril aussi qui a 26 ans et qui n'a jamais fait l'amour. Il a un blocage, on va tenter de le débloquer un petit peu comme ça, comme des ostéopathes du cerveau. Voilà, que nous sommes. Pour le son, on s'écoutera une nouveauté ce soir, ça s'appelle Sean Frank et j'aime beaucoup ce dos. C'est confirmé. Totalement son du dimanche soir, on aime. On aura aussi Dimitri Vegas, j'adore. Et restez bien là jusqu'à minuit puisqu'on vous réserve une surprise. Normalement, on devrait être les premiers là à vous passer le tout nouveau Soprano. Ouais. On attend de le recevoir. Dès qu'on l'a, bim, on vous le balance. Direct. Parce qu'on est comme ça, nous, on est dans le partage. Exactement. Bonsoir Amir des réseaux sociaux. Hola les filles, comment ça va? Bah, pleine forme. Hein. Bien. Et toi, t'as passé un bon week-end? Ouais, cool. Franchement, cool. J'étais avec des potes. Eh, hey, hey, fallait quand même que je vous le dise. Hier, j'étais dans un resto. Ouais. J'ai dansé comme un dingue. Et, ouais. Et vous savez avec qui dans le resto? Ouais, oui, tu nous l'as dit. Il y avait Tal. Ouais, je sais, il était. Je vous le dis parce qu'on a tous une conversation où on s'envoie tous des textos pour un oui ou pour un non. Il était trop fier. Bah oui, forcément, mais il est pas allé lui parler. Bah non. Non, mais elle était avec quelqu'un et du coup, j'allais pas. J'allais pas m'incruster dans sa vie. Mais c'est pas bien de faire ça. T'as bien fait d'ailleurs aller voir les vidéos de Tal dans le night show. C'était jeudi, elles sont en ligne. Là, on a réveillé l'équipe de Bruno dans la radio. Ouais. On a fait du live de ouf. Tout est sur la chaîne YouTube Marion Enso. Amir, tu voulais nous faire découvrir quelque chose ce soir? Ouais, alors je suis à fond sur un titre en fait. Ce week-end, j'ai un pote qui m'a fait découvrir un son. Alors c'est pas très Fun Radio, mais j'ai vraiment kiffé. Ouais. Et peut-être que ça va être Fun Radio, j'en sais rien. Et alors écoutez, c'est quoi? Écoutez. Mais si on brasse autant qu'on bédave, le glock et le joint sont bien géchards. On en veut après ton héritage, le pied et les yeux des cheveux. Ma mère est détruite, c'est ça. Ça s'appelle Ché. D'accord. Et le titre, il s'appelle Biche. J'aime bien, moi. Ouais, j'aime bien. Il s'appelle Biche ou Bitch? Ouais, je dirais Biche là tout de suite, les autres. D'accord. Mais franchement, j'ai grave kiffé. Et en plus, c'est une meuf, alors j'aime encore plus. Ouais, c'est vrai, j'aime bien sa voix. Ouais, moi aussi. Merci Amir. Oh bah de rien, bon, je repars sur les réseaux. Voilà. D'accord. Toujours là pour les découvertes Amir. Bonsoir Thibaut Alaria. Coucou les filles. Ça va petit chat? Je m'en veux un peu, je vous cache pas. Pourquoi? J'ai encore commis une infidélité avec vous du coup. Qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure avec Enzo, on s'est croisé dans le couloir et malencontreusement on s'est fait un smack. Arrête, c'est vrai? Mais non. Pourquoi vous avez fait ça? Bah on se faisait un câlin comme d'hab pour déconner, puis bah nos lèvres ont râpé quoi. Ouais. Et les gars, ça n'arrive pas à tout le monde, ça, quand même. C'est-à-dire que je vous le dis, hein, moi et Marion, on se fait des câlins de temps en temps, mais ça te dérape absolument jamais. Hein. Vous êtes chelou, Enzo, tu confirmes? Ouais, je confirme, mais je suis attiré par Thibaut. Ouais, moi aussi, coquin. Y a un petit ce serait sympa, un couple dans le night show. Ah ouais. Non, moi, ça m'angoisse. Bah, il nous manque un gay dans l'équipe, et franchement, on est au complet. Bah ouais. Bah après, faudra l'expliquer à vos meufs, vous ferez juste un nom de pardon, puis c'est tout. Enzo, ça va, toi? Ouais, super, j'ai passé un excellent week-end. Bon, est-ce que tu peux nous présenter, s'il te plaît, le premier auditeur de ce soir? Alors, c'est Antoine et Yannick. D'ailleurs, c'est toi qui voulais présenter ce soir l'auditeur, dis-nous. Il est pas au courant. Dis-nous. Il s'appelle Antoine, il a 28 ans, il nous appelle de Calais. Et lui, il s'est passé un truc dans le train. D'accord, il s'est passé un truc dans le train. Bonsoir Antoine. Bonsoir à l'équipe, bonsoir tout le monde. Salut toi, nous. Ça va? Ça va? Ouais, ça va bien, et vous? Oh. Je suis content de vous avoir. Bah, nous aussi, ça nous fait plaisir, mais on est très curieux. Qu'est-ce qui s'est passé dans le train? J'ai un week-end de loser, un truc de ouf. Raconte. En fait, je devais aller à Orléans, donc j'ai pris le TGV Calais-Orléans et il a fait une halte à Paris. Donc à Paris, en fait, j'ai grave en manque de club, donc je suis sorti et tout ça. Et j'étais au téléphone avec une de mes meufs. en étant attends, attends, quoi Antoine? Avec une de mes meufs? Ouais, non, bon, parce que bon, voilà, je suis sur plusieurs coups en même temps. D'accord. Et, ouais. Mais c'est pas le sujet de l'histoire, en fait. Et en fait, donc je suis ma clope et tout ça, bien. Et tac, je me retourne, putain. Et bah, tu sais, tu sais, toi, nous, c'est le karma. Déjà, tu fumes, c'est pas bien. Deuxièmement, t'as plusieurs meufs, c'est pas bien. Et ben, le train, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué son chemin sans toi. Mais attends, mais surtout. Il a continué avec ma valise en plus. Ah, c'est ce que j'avais te demandé. Eh ouais, donc en fait, moi j'étais sur le quai, ma valise était dans le train, ma valise est arrivée à Orléans. Non. Donc avec le plan Vichy Pirate et tout ça, bah ma valise elle s'est fait embarquer par les flics et tout ça. Du coup, moi j'ai dû prendre un train, payer en supplément et tout. 3 heures après, je suis arrivé. Et donc je vais récupérer ma valise lundi parce que je peux pas aller, j'ai pas pu la récupérer. Ah ouais, mais en donc plus. Là, j'ai rien, j'ai toujours les mêmes fringues et tout. J'suis... Bon, mais la question Antoine qu'on se pose, est-ce que t'as pécho quand même ce week-end? Bah, ouais, justement, mais même pas. J'ai justement pas pécho. Rien du tout. Une chose totale. Bichon, quand même, normalement, ils font des annonces. Ils disent le train va partir, attention, regagnez vos places, tout ça quand même. Ouais, mais au téléphone, ouais, tu fais pas gaffe, quoi. J'étais, j'étais au téléphone, ma clope et tout ça, et voilà quoi. Bon, et j'étais à moitié en train de me discuter, donc voilà, la loose totale quoi. Tu sais quoi, t'es le loser du soir et on va t'applaudir pour ça. Bravo, Antoine. Yeah. Allez, nice. Antoine, on t'aime. Antoine, on t'embrasse. Bon courage. Bisous à toi, poteau. Ciao, ciao. Bisous. Bon, dans un instant sur Fun Radio, on a envie de vous amener un petit peu de bonheur. C'est vrai, c'est dimanche, c'est la reprise. On n'a pas envie de ronchonchonner. On va se donner de la joie. Venez nous raconter votre plus grande joie que vous avez eue dans votre vie. Ah, c'est beau ça. Par exemple, je regardais sur Twitter, tout le monde commence à faire un décompte sur les vacances. C'est vrai que dans 10 jours, tout le monde est en vacances, oui. Là, tous ceux qui sont en cours. Donc ça, ça peut être une super belle joie. Nous, on n'est pas en vacances. Appelez-nous 01 42 48 5000 avec le hashtag Le Night Show, ça marche aussi. On se retrouve après Boosty sur Fun. What about it? Stay with me, we rock the party. You're in my mind, everything's alright. Il nous faudra vite se fédérer pour éviter de vivre le sentiment que vide est le sablier. Manier l'amour d'une certaine manière. Car au bout du compte, nous sommes des milliers. Je continue de penser que le bonheur est fait pour alléger les âmes, en avoir l'impression d'être sous. Faites-vous à l'idée qu'on est peut-être fou. En fait, faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind, everything's alright. Sommeil, veux-tu vivre dans un monde sans soleil? Nous c'est l'amour qu'on veut semer, le sentir fleurir sous nos semelles. Mais c'est hyper dur quand la haine perdure, mieux vaut essayer alors qu'on sait que tout est perdu. Donc je me sers de l'idée qu'on est peut-être fou. En fait faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Je ne capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Qui ne veut pas survivre en apnée? Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des calques. Je capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Qui ne veut pas survivre en apnée? Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des calques. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. Boosty sur Fun Radio, il est 22h12, c'est Marion et Anne sur le Night Show. Et comme c'est dimanche soir, on sait que demain c'est la reprise, même si les vacances approchent, c'est toujours compliqué le lundi. on avait envie de se donner de la joie comme ça. Venez nous raconter sur Fun le moment qui vous a procuré le plus de joie dans votre vie, les gars. Cet instant gnangnan vous est proposé par Cucula Praline Production. Ouais, on était obligés. Parce que c'est vrai que comme ça, ça fait un peu gnangnan, Cucula Praline. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu bisounours et tout, mais c'est vrai que ça fait du bien d'entendre des gens heureux parfois. Ouais, quand même. Ouais, franchement, alors, on a toujours des problèmes, tout ça, là, on se fait kiffer. Oh non, mais par les temps qui courent, avec tout ce qu'on nous envoie dans le ciel, c'est sûr. Hein. Anso, justement, est-ce que si tu devais choisir, allez, je t'accorde deux moments qui t'ont donné de la joie dans ta vie. Un récent, parce que c'était il n'y a pas très très longtemps, mais le 22 août 2015, quand on a commencé cette émission ensemble, Marion, ça c'était vraiment un moment de joie. Et je crois la première fois où j'ai vu Wacha aussi. Ah j'ai trouvé que c'était trop mignon, ouais. D'accord. Voilà, bon, les gens dans l'équipe se foutent de ma gueule. Mais... Bah, c'est assez triste, quoi. Excusez-moi, je parle de ma fille. Pardon, quoi. Quand t'as vu ton chat, quoi. Okay. Quand j'ai vu mon chat, Marion, toi, c'est quoi? Moi, j'ai évidemment choisi, quand on m'a annoncé, moi, que j'allais avoir cette émission avec toi. Mm-hmm. J'ai choisi quand j'ai eu mon permis pour la première fois. Après 5 tentatives. Avec des énormes. Et j'ai choisi quoi d'autre? J'ai choisi. Ah oui, quand je suis devenue tata. Ah oui, quand même, parce c'est important. Parce que ça, c'est beau, voilà, première fois qu'il y avait un petit bébé dans la famille. Donc, c'est mes trois moments de joie, quoi. Mais surtout, t'as quand même passé ton permis 5 fois, quoi. Oui, je sais. Ben oui, je sais. Qu'est-ce que tu dises? Ça m'a coûté un bras, j'y peux rien. 5 fois. Thomas Jamel de Mou. Ça va pas, t'as choqué Yannick du Standard. Non, moi ça me fait pas rire. Mais moi non plus, on touche pas à Jamel. Moi non plus, ça me fait pas rire. Alors. Et en plus, ça m'a vraiment coûté un bras. Je crois que vous vous rendez pas compte, passer 5 fois son permis. Mais j'ai tellement galéré. Mes parents, je les remercierai jamais assez. S'ils m'écoutent, merci, parce que c'est eux qui ont tout payé en plus. Et franchement, c'était l'enfer. Tu vois, c'est là qu'on est une belle bande de cruches, parce que moi, j'ai passé mon code 5 fois. Par contre, j'ai eu mon permis du premier coup. Bah, ouais. J'ai tout eu du premier coup. Et voilà, je crois qu'il la ramène, celui-là. Bon, bah, parlez-nous de vos moments de joie. 01 42 48 5000. Et ça marche aussi avec le hashtag le Night Show. Donc, allez-y. On vous lit. On voit aussi sur la page Facebook Marion et Anso, et on revient tout de suite. Votre téléphone commence à fatiguer. Vous voulez le nouvel iPhone 7? La seule solution, écoutez Fun Radio. Dès que vous entendez le double fun, avec les tubes de Sound of Legend et Sac Noël, mixé à la suite. Soyez le plus rapide, appelez Fun Radio, 32 28. Et vous gagnez votre iPhone 7. Vous êtes les meilleurs! C'est le double fun, sur Fun Radio. Elle est pas belle, la vie? 32,28, service payant 50 centimes d'euros par minute, plus prix d'un appel. Choisir l'armée de l'air quand on est jeune, c'est rejoindre les hommes et les femmes qui nous protègent. C'est choisir une voie où les responsabilités n'attendent pas. C'est pouvoir progresser dans son métier. L'armée de l'air recrute 2000 jeunes, du niveau brevet à Bac plus 5, dans 50 métiers. Découvrez nos offres sur air-toutunearmée.fr. Armée de l'air, toute une armée croit en vous. Leclerc. Les super pouvoirs d'achat continuent chez Leclerc. Regarde chérie, pour toi, ce magnifique pull collant V 100% cachemire à un prix tout doux. Mon amour. 36,95€ le pull en cachemire. Si je ne t'achète pas un pull cachemire à ce prix-là... Tu ne m'en achèteras jamais. Allez, pas dit ça. Du 11 au 15 octobre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Le pull col V modèle femme 100% cachemire est à 36,95€. Voir modalité dans les magasins participants. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Salut, c'est Rissa. C'est David Guetta. Salut, c'est Amir. C'est Soprano. 1-2-1-2, moi, c'est Black M. Dites donc, j'ai vraiment l'impression que c'est The Place to Be, le Night Show. De 22h à minuit. Sur Fun Radio. C'est complètement The Place to Be. D'ailleurs, mardi, ce sera qui notre invité, Anso? Ce sera Kin V. On adore Kin V. Il sera là en direct. Marion et Anso, @funradio.fr, si vous avez des questions pour lui. Il sera là, il fera un live. On va kiffer ensemble. Donc, allez-y, on y va. 01 42 48 5000, ça marche aussi. Kin V, mardi. Et puis, on voulait parler des moments de joie là dans votre vie tout de suite. Et vous nous appelez à ce numéro-là. D'ailleurs, il y a Karine de Lyon qui est avec nous. Bonsoir, Karine. Salut les filles. Et salut les gars aussi. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Yeah. Alors moi, le moment qui m'a rendue la plus heureuse, et encore aujourd'hui, ça me rend tous les jours heureuse, c'est le jour, le 8 janvier 2015, où je suis devenue propriétaire. Ah ouais, c'est pas mal ça, Karine. Ça, c'est génial. Grosse étape. Ah ouais. T'as l'impression de prendre 10 ans d'un coup, t'es chez toi, tu peux aménager ta maison comme tu veux, tu peux changer tout ce que tu veux sans avoir à demander à qui que ce soit. T'as raison, Karine, si t'as envie de faire un trou au beau milieu de ta cuisine, Bah, c'est moche, mais tu peux le faire. Voilà, tu veux peindre ton plafond en rouge, et bah, t'as le droit. Exactement. Alors là aussi, c'est peut-être pas une bonne idée, mais t'as le droit. Mais t'as le droit. Exactement. Et ouais, ben, merci, et Karine. Et puis, t'es content de payer ton loyer pour une fois. Tu te dis, ben, au moins, je sais pourquoi je paye. C'est pour moi. T'as raison. Et là, tu parles à plein de gens qui ne sont absolument pas propriétaires. Merci de partager ta joie, en tout cas. C'est cool de nous avoir appelés. Salut, les filles. Bisous à toi, Karine. Bisous. On n'a pas demandé au garçon de l'équipe. Amir, attends. Avant de donner ta réponse, ouais, on est obligé. Hein. Okay. Cet instant gnangnan vous est proposé par Cucula Praline Production. Amir, quel est le moment qui t'a procuré le plus de joie dans ta vie? Il y en a eu deux. Quand je suis arrivé sur Fun. Ouais. Ah, donc j'écoutais depuis que j'étais tout petit en plus. Et puis quand j'ai eu mon permis moto. C'était vraiment dingue ça, le permis moto. Mais plus tout. Hein. En plus, il est compliqué à avoir le permis moto. Hyper dur. Hyper dur. J'en avais bavé, mais je l'ai eu du premier coup. Tout du premier coup. One shot. Enzo, il est en train de passer là d'ailleurs en ce moment. Ouais. Du standard. 6h. Je le sens mal pour Enzo. Je le sens bien moi. Je le sens motivé. C'est gentil. Et d'un côté, j'ai pas envie qu'il l'ait parce que c'est tellement dangereux. J'aimerais pas qu'il t'arrive quelque chose. Non, je ferai attention. Ah non, mais je te dis, ça me passe. J'ai des plaques qui me reviennent. Je suis en inquiétude la plus totale. Enzo, c'est quoi ton plus grand moment de joie, toi, justement, pendant qu'on tient? Moi, c'est quand j'ai vu Amir pour la première fois, comme je suis hyper fan de lui. Voilà, ça m'a fait quelque chose quand je l'ai vu, quoi. Merci, mec, c'est gentil. Mais t'enflamme pas, je parle d'Amir le chanteur, hein, tu vois. Voilà. J'étais sûre qu'il y avait une douille, c'était pas possible. Vous me dites si je me trompe, mais vraiment, entre eux, c'est vraiment je t'aime, moi non plus. Ah ouais, c'est ça. Vous le voyez pas derrière votre radio, mais Amir est vraiment vexé, il fait la gueule. C'est clair, c'est pas grave. Je me dis, je fais tellement pour lui, mais voilà, c'est comme ça qu'on est remercié. Bon, on a Emilien qui nous a appelé, je vous fais deviner d'où il nous appelle. Oui. Allez. Alors, c'est une plage, c'est le Touquet. Je sais pas comment le faire deviner. Je sais pas, le Nord. D'accord. Bonsoir, Emilien. Salut Marianne, salut toute l'équipe. Salut. Ça va, Bichon? Et bienvenue. Au fait, je viens du Touquet par les plages, hein, parce que vous avez peut-être pas deviné. Bah oui, elle vient de le dire, mais merci de repréciser. Il y a pas de souci, Bichon. C'est quoi le moment qui t'a donné le plus de joie, toi? Alors moi, en fait, c'est un peu nul, mais enfin, quand j'étais en CP, en fait, c'est quand j'étais content quand j'ai réussi à faire mes lacets. Ah ouais. Alors moi, je te rejoins complètement, Emilien, parce que moi, j'ai mis un temps fou à apprendre ce truc. Je ne comprenais pas, mon cerveau ne percutait pas comment faire les lacets. Voilà. Non, moi non plus, en fait. J'ai pas de souvenir, moi. Enfin, je crois que ça s'est bien passé pour moi. Ouais, mais c'est ça. Mais je peux comprendre, tu vois, c'est un tout petit truc. Quand t'arrives enfin à ça, t'es vraiment juste hyper heureux, quoi. Emilien, donc du coup, ça fait combien de temps que t'es rentré dans le clan des gens qui savent faire leur lacet? Bah, depuis que je suis en CP, quoi. Ouais, mais attends, tu vas me dire que c'est ça le moment qui t'a procuré le plus de joie dans toute ta vie, quoi. Même pas première pelle, même pas, je sais pas. Ta vie, elle est triste. Bah, non, mais juste de plus mettre des chaussures à scratch. D'accord. Eh ben écoute, alors on valide, on prend, y a pas de souci. Cela dit, Emilien, moi je continue à mettre des chaussures à scratch. Oui. C'est pas faire tes lacets. J'ai l'air con, mais je milite pour le scratch. Là, c'est quand même vachement pratique. C'est vrai, et c'est tendance. Emilien, vous avez pas entendu, vient de me clasher comme ça. Ouais. Ça marche. Emilien, on t'embrasse. Ça marche, bisous. Bisous. Thibaut, à la réa, c'est quoi pour toi le moment qui t'a procuré le plus de bonheur? Et bah là, en parlant avec vous, j'en ai plusieurs qui me sont venus. Donc c'est la première fois que j'ai eu ma motocross, c'était ouf parce que c'est une sensation de liberté. Ouais. Et dans le délire, genre sensation de liberté qui m'a vraiment fait kiffer, c'est la première fois que j'ai pris l'avion. Ah c'est ouais, vraiment un des trucs qui m'a rendu plus heureux. Tout l'inverse, moi, j'ai tellement flippé, je déteste l'avion. Ouais, mais une fois que t'atterris, bah t'es content de l'avoir fait, tu vois ce que je veux dire? Ah non, moi je valide pas ça du tout. Bon, bah écoute, t'as qu'à pas valider, tu viens pas dans notre clan, si tu veux que je te dise. On a Lucas à La Roche-sur-Yon avec nous, bonsoir Lucas. Bonsoir. Ça va Lucas? Ça va et toi? Bah ouais, très bien, dis-nous, t'as quel âge toi? J'ai 14 ans. 14 ans, et alors c'est quoi pour toi le moment de joie? C'est quand j'ai rencontré ma petite amie. Qu'est-ce qu'il est mignon, ça fait combien de temps? Ça va faire un mois et demi. D'accord, et du coup t'es fou amoureux? Ah oui, oui. Franchement, un mois et demi à 14 ans, c'est une belle perf. Hein. Ouais, c'est pas mal. Est-ce que c'est ta première copine? Non. Bon, d'accord, il a déjà roulé sa bosse. Ok, et eh ben c'est archi cool. Elle t'écoute là ou pas? Je pense pas. Bon, tu veux lui faire une petite dédicace quand même, au cas où? Oui, petite dédicace à Alicia. On l'embrasse et merci de nous avoir appelé. Merci. Au revoir. Bisous à toi, mon Lucas. Il est trop mignon, lui, c'est un beurre. Bisous. J'ai envie de demander à Yannick du Standard le Pervers s'il se souvient d'un moment de joie. Ouais. Pas sexuel, hein, il est trop tôt. Un truc soft. Attends, parce que là, il allait dire un truc sexuel. Ouais, j'allais dire. Bon, elle essaye de le dire avec des mots cool. Ouais. Ma première fellation. Ah oui, je comprends. Ouais. Ah, c'est vrai que pour un homme, ça doit être fort quand même. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Enzo? Bah, je sais pas, il a sucé quelqu'un en fait. Non, mais non. La première fois qu'on lui a fait. Bah oui, il a dit la première fois que j'ai fait une fellation. Non. La première fellation, n'importe quoi. Mais je comprends, franchement. Jérémy à Montpellier est avec nous. Bonsoir, Jérémy. Salut. Salut les filles. Ça va, Jérémy? Au top. Alors raconte-nous, c'est quoi ton moment de joie à toi? Mon moment de joie, c'est quand j'ai pris en 6 mois l'équivalent de 10 cm. J'ai fait une grosse poussée de croissance en 6 mois. Ah, et oui. Du coup, avant j'étais complexé par ma taille, déjà par moi, je me sentais tout petit. Et maintenant, je regarde les gens comme si c'était des petites merdes. Tu sais, c'est un moment de joie qu'on ne peut pas connaître avec Anne-Sophie. C'est exactement ça. Moi, je ne l'ai pas du tout traversé. Hein, ce moment, cette poussée d'hormones n'est pas passée dans ma vie. Mais on comprend. T'inquiète, un jour ça va arriver. Bon, tu sais, mec, à 33 ans, je trouve que ça va être très chelou hein, si je prends 10 cm d'un coup. Hein. J'ai eu une technique. Bah oui. L'été est passé. J'ai fait que picoler. Et du coup, j'avais grandi. Ah oui, mais tu sais que l'abus d'alcool est très dangereux pour la santé, Jérémy, quand même. Hein. Mais oui, mais ça fait grandir. Non, je crois pas. Je pense que c'était une coïncidence. Je pense que c'était le moment pour toi. Oui. Mais on est content. Ouais. Tu mesures combien maintenant? 1m77, 78. C'est bien. Ouais, c'est bien. C'est une belle moyenne. Ça, c'est bien. Eh ben, merci de nous avoir appelé, mon pote. On t'embrasse. Merci à vous. Bonne soirée. Salut, mon grand. Bisous. On va demander dans un instant à Pépère. Pépère, prépare-toi. Je veux de la réaction de folie ce soir. Est-ce que tu es en forme? Ouais. Avant ça, je voudrais faire un point sur les réseaux sociaux avec Amir qui vous lit la hashtag Le Night Show. Est-ce qu'on a des moments de joie partagés sur les réseaux Mirou? Il y en a pas mal. Alors, on t'écoute. Alors, sur le Facebook de l'émission Marion et Anso, Perline qui dit la naissance de ma nièce début 2011. Ah, normal. J'en ai même loupé mes cours pour aller la voir. Et la naissance de mon neveu. Enfin bref, toutes les naissances, elle est contente. D'accord. Il y a Mikael VLZ qui dit mes enfants. Ouais, ça revient beaucoup, c'est normal les enfants. Moi, je n'ai pas encore connu, mais il paraît que c'est un grand moment de joie. Oui, effectivement. Comme le mariage. Il n'y a pas eu ça d'ailleurs. Non. Et à Vadim 31, c'était l'émission, cette émission. Ah, sympa. Ouais, c'était cool. Merci Vadim. Vince to Steph. Rencontrer ma chérie, la naissance de mes bambins, ma rencontre avec M. Pokora grâce à Rifix. Ah, c'est vrai que les rencontres avec les stars, gros moment de joie, ça en a aussi. Forcément, c'est unique dans une vie. Ah ouais, Léon, moi, ma plus grande joie, c'est quand j'ai découvert le Night Show. Merci Léon. Et puis, Bénade Fanny, c'est quand j'ai vu. Qu'est-ce qu'il y a, Amir? Ah, en fait, il y avait trois petits points, j'ai cliqué pour la suite, mais il y a trois petits points. Ah, il n'y a pas de suite. Non. Sinon, après, il y a beaucoup mon permis, mon bac, ça arrive beaucoup. Hein. Ah, ouais, c'est vrai, le bac. Il y a même Mathieu sur la page Facebook qui dit qu'il va être papa, donc lui, il est en train de le vivre son plus grand moment de joie, je pense. C'est en ce stylé, moment. Mais putain, quelle galère. Félicitations. Et moi, c'est vrai que le bac, finalement, je reviens sur ce que j'ai dit, ça rentre dans mon top 3. Tout à fait. Alors, moi, je ne l'ai pas eu, je ne sais pas ce que c'est, mais quand même, ça devait être vachement sympa. Mais les enfants, par exemple, ça va être super cool sur le moment. Mais putain, quelle galère. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est cool sur l'instant, puis après, tu t'en mords les doigts pendant 20 ans, quoi. Arrêtez, les gars. Tu dépenses. Mais à ça va pas, non? Non, ça doit être kiffant. Bah oui, sur le moment, c'est kiffant. Et après, tu te fais chier, tu sors plus, t'es... Non, mais... On va demander à Pépère ce qu'il en pense. Pépère, ouais. Un grand moment de joie pour toi, c'était quoi? Ah bah Pépère, sa plus grande joie, c'était à la naissance de son fils. Hein. Ah bah tu vois, ça c'est mignon, écoute Amir. Bah oui, hein, c'est à partir de ce jour-là que Pépère, il a découvert les plans 3, donc... Oh mais ça va pas. Cette vanne de Pépère n'est pas cautionnée par l'équipe du Night Show. Non, impossible, c'est horrible. Je déteste quand tu touches aux enfants. Excuse-toi. Pardon, hashtag pépère triste. Bon, restez avec nous dans un instant sur Fun Radio. C'est le Wesh, c'est qui va débarquer. Vous faites deviner 4 stars sur 6 à papa ou maman pour gagner votre PS4 avec le jeu The Last Guardian. Et puis nous, on se retrouve juste après David Guetta, découvert ici sur Fun Radio. C'est World I Lie to You et on adore ça dans le Light Show. Oui ou non? Ah oui, oui. Marion et Anso, c'est le Night Show. On est en direct comme chaque soir avec vous du dimanche au jeudi jusqu'à minuit. Et si vous aimez Rotterdam, les MTV et les dimanches 6 novembre, et ben ça tombe bien puisqu'on vous envoie assister au MTV EMA 2016. Ce sera à Rotterdam aux Pays-Bas et le tirage au sort aura lieu le 13 octobre, à savoir jeudi. Alors pour participer, c'est simple, il suffit d'envoyer un SMS, vous envoyez MAS au 74 900 avec vos coordonnées et on fera un tirage au sort. Je vous rappelle que vous allez partir à deux, tout frais payés, au départ de Paris, pour les Pays-Bas, pour aller faire comme ça du tapis rouge, et que je te vois des stars, et que je te fais du MTV, et que je me la pète auprès de mes potes avec des snaps. 74 900, c'est le numéro, et on met MAS devant. Wesh, c'est qui ? Wesh, c'est qui ? Et oui, comme chaque dimanche soir, on se fait le Wesh c'est qui. Déjà, bonne nouvelle, ça vous permet de gagner votre PS4 avec le jeu The Last Guardian, plus vos places pour la Paris Games Week. Énorme cadeau. Non mais c'est chiant, mais vraiment c'est cool. Il vous suffit de jouer avec papa ou maman, il faut lui faire deviner 4 noms, 4 personnalités sur une liste de 6 en une minute. C'est pas toujours facile, mais en général, ça se passe bien. On joue avec Enzo ce soir qui nous appelle de Marseille. Eh, hey, bonne mère, la canne bière. Bonsoir, Enzo. Bonjour. Et j'ai une question. Oui. Et si, comment ça va? Eh ben ça va très bien. Ça va bien. Ben ouais, parce qu'à Marseille on dit ça comme ça. Comment ça va les filles? Au top, et toi Enzo? Ouais, je pète la forme, j'avais hâte. Bon, c'est cool. Est-ce que tu as la pression par rapport au jeu de ce soir? Parce que énorme cadeau en jeu. Ah ouais, surtout que bon, maman est jeune, donc je pense qu'elle peut y arriver. D'accord, elle a quel âge maman? Elle a 36 ans. Ah ouais, et toi? Moi j'en ai 13. D'accord, bon. Et du coup, est-ce qu'elle est du genre à connaître un peu toutes les personnalités un peu 2.0 ou pas? Ouais, on regarde beaucoup la télé, on écoute souvent la radio et... D'accord. La liste d'aujourd'hui, elle est un peu toutes les générations confondues. Hein. Ouais, c'est vrai. Enzo, il y a du compliqué, il y a du plus facile. On va te donner la liste. T'es prêt? D'accord, ouais. Alors, le premier, c'est Thierry Moreau. Est-ce que tu vois qui c'est? Ah oui. Oui, c'est celui de Tout ça en poste. Exactement, ouais. Le chroniqueur. Le deuxième, ce sera Valérie Damido. Oui, l'animatrice de... Oui. On a les One Direction. Bon, ça va aller, mais tu peux utiliser des rébus. Hein. Tu peux dire c'est un en anglais, enfin tu vois. N'hésite pas, ok? Ok, ok. Il y aura Tal aussi. Ah oui, vous l'avez reçu il n'y a pas longtemps. Ouais. Exactement. Il suit, c'est bien Enzo. Ah oui, je vous écoute en cachette. T'es au top. On aura Jamel Debbouze, évidemment très connu. Ah, ça va. Et enfin, il y aura le prince Harry. Le prince Harry. Facile, ça c'est cadeau. Donc, il faut absolument que maman en devine 4. Je rappelle que maman est en pleine conversation avec Yannick, notre standardiste, donc elle ne peut absolument rien entendre de la liste. Voilà, hashtag malsain hein, quand même, hein, sur la discussion que Yannick avait avec Cynthia. Je l'entends dire, alors vous êtes en couple, vous êtes célibataire, le mec fait ses courses. Comme à chaque fois. Bonsoir Cynthia. Coucou Marion, coucou Enzo, est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Ah mais c'est, en fait, toute la famille connaît l'émission. Bon, ça fait plaisir. Alors comme ça, on a eu Enzo très jeune, Cynthia. Eh oui, bah ouais, c'est un mordu de radio et il squatte l'antenne sans arrêt. Alors c'était pas la question, mais je suis heureuse de savoir. Est-ce que vous avez d'autres enfants? Ouais, j'en ai deux autres. Ils ont quel âge? Alors j'en ai une qui va avoir 9 ans et l'autre 8 ans. D'accord, ok, belle famille. Ça c'est bien. Bon, ouais, c'est pour faire gagner la PS4 et le jeu à Enzo, il va falloir deviner 4 noms sur la liste de 6. Est-ce que vous êtes prête? Allez, c'est parti. Allez. Allez, Enzo, 3, 2, 1, bonne chance à vous deux. Alors, ouais, c'est un animateur, c'est un chroniqueur qui est avec Cyril Hanouna, il fait des vannes nulles. Camille Combal? Non, il fait des vannes nulles. De leur mot. Non, il travaille sur Télé 7 jours. Moreau, Cyril Moreau. Oui. C'est l'animatrice de Déco. Valérie Lanido. Oui. Ouais, c'est qui? C'est un groupe que je déteste, qui commence par 1 et qui finit par une lettre de l'alphabet. One Direction? Oui. C'est l'ancienne chanteuse préférée de ma petite sœur. Stal? Oui. C'est un comédien, il a un bras en moins. Enfin, il peut pas utiliser son bras. Ah oui. Putain, j'ai un trou. C'est un humoriste. Oui, attends. Il a son comedy club. Mais oui, c'est le Jamel Debbouze. Oui, c'est un prince. Allez, Enzo. De quoi? Bon, ben. On a laissé jouer pour le sans faute, mais de toute façon, 1, 2, 3, 4, 5, c'était gagné, bravo! Bravo. Ah ouais, il a été bon, hein. Par contre, pourquoi on n'aime pas les One Direction, Enzo? J'en entends assez du Matt Pokora et compagnie, donc moi, Direction, déjà, je meurs. Ah, toi, t'es plutôt DJ, quoi. Ouais, voilà, c'est plus les hits comme Matt Posner et compagnie. Alors, par contre, ça fera plaisir à Mathieu Delormeau et Cabine Combal de savoir qu'ils font des vannes de merde. J'adore, elle a répondu direct. C'est clair. Bon, Cynthia Enzo, on vous envoie tout ça, on vous embrasse, vous êtes formidables. Ah, merci beaucoup, merci, gros bisous. Bisous. Et changez pas. Ne t'inquiète pas, Enzo, et merci à toi d'être toi. Merci. Ciao, ciao. Retour du Wesh C'est Qui mercredi soir pour gagner toujours votre PS4 avec le jeu The Last Guardian. Et là, dans un instant, nous allons accueillir Yacine, 14 ans. Yacine, il a un souci qui concerne beaucoup d'hommes. On a eu plein de mails à ce sujet. Il a envie de sortir de la friend zone. Ah, ce qui veut dire la zone de l'amitié pour ceux qui ne sont pas bilingues. Tout à fait. Il n'arrive pas à pécho une fille. Elle est trop amie avec lui. Il a besoin de conseils. Du coup, on a trouvé des solutions là pour vous qui êtes bloqués dans cette zone. Hein. Cette zone angoissante. Oh, bah, cette zone à risque. 01 42 48 5000. Si c'est votre cas, et puis bah on en parle juste après. Sean Frank, nouveauté, salut Lilo. Friendzone lui aussi ou pas? Every time you fuck up, I will find an excuse to forgive you. And every time that you're good, I forget all the hurt and redeem you. And I don't know what I've been chasing. Caught feelings, now I gotta face them. But I can't refuse you, end up feeling used, getting used to it. I put up with my message unread. Probably with your friends or some shit. Then you come and crawl into bed. Behind our wandering eyes, the loose ends always coming untied. While I'm hanging by threads, will I miss out instead on another love? I put up with your cold shoulders. You're going through my texts and numbers as if I got something to cover. Before the sun's even up, and I let you. I let you get away. Nouveauté Fun Radio, ça s'appelle Sean Frank et ça me fait vraiment penser à un générique de film. J'ai envie d'être devant ma télé quand je regarde ça, j'adore. Bah écoute Marion, fais-toi plaisir, hein, il faut aller au-devant de ses émotions. Merci à toi. Bon, on fait de la radio ensemble là, jusqu'à minuit, il est 22h38 et il est temps d'accueillir Yacine. Yacine, il a un souci qui concerne pas mal de monde. Je sais qu'on a souvent ce sujet, on reçoit beaucoup de mails, de messages là-dessus. Il a besoin de sortir de la friend zone. Eh ouais. Alors la friend zone, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne parlent pas anglais? En gros, c'est quand vous avez dépassé la limite de l'amitié avec la personne. C'est-à-dire que la fille ou le mec vous voit comme une pote et plus comme quelqu'un avec qui il pourrait sortir. C'est compliqué d'en sortir une fois qu'on a franchi la limite, hein, je vous le dis. Effectivement, mais du coup, on va en savoir plus avec Yacine. Bonsoir Yacine, tu nous appelles d'où? De Darban. D'accord. Alors toi, t'as 14 ans. Oui. Ok, et raconte, qu'est-ce qui se passe? Et déjà, est-ce que tu es en friendzone avec plusieurs filles, avec une seule? Raconte-nous, on veut tout savoir. Bah en fait, je suis en friendzone avec plusieurs filles, mais je veux être en couple, juste avec cette fille. D'accord, donc il y a une fille en particulier qui te plaît? Ouais. D'accord, et alors pourquoi tu dis que t'es dans la friendzone? Est-ce que, je sais pas, vous vous confiez beaucoup trop? Elle te voit comme un pote? Elle t'a dit quelque chose? En fait, elle m'appelle mon frère, mon cœur, mon sang, t'es comme un frère et tout ça. Bon, mon cœur et mon sang, c'est quand même plutôt... Mon sang, c'est quand même très très fort. Hein, c'est bizarre, mon sang. Hein, c'est un peu chelou. Après, mon frère, effectivement, je te le dis, quand on est dans ce genre de cas, ça pue. Est-ce qu'elle te parle d'autres mecs? Non. Moi, je suis pas sûre que ça pue tant que ça, parce que mon cœur, quand même, moi, je dis pas ça à des poteaux. Hein. Moi non plus, mais enfin, si, moi, je suis très sûre, non. Donc, Mais qu'est-ce qui te fait te dire que t'es dans la friendzone, Yacine? Est-ce qu'il y a un truc? Est-ce qu'elle t'a dit, par exemple, moi, je te vois que comme un pote, je pourrais jamais faire quelque chose avec toi? En fait, elle m'appelle mon frère. Oui, genre, ça, j'ai compris. T'es comme mon frère, t'es... Genre, on pourra jamais passer le cap. Enfin, moi, j'ai compris ça comme ça. Ouais, toi, tu lui as jamais révélé tes sentiments, Yacine, encore? Ouais. Et ça fait combien de temps que t'es amie avec elle? Depuis début de l'année scolaire. Ah, ou ça va? Ah, ça depuis début septembre? Ouais, ouais. Ah, bah ça va, alors là, c'est pas perdu. Attends, du tout. Mais c'est t'appelles mon sang au bout d'un mois, mais ça va être quoi dans 10 ans? C'est clair. Mon foie, ma vie. Non, mais c'est pas possible. Ah ouais, on en est là. Juste, on va en parler dans un instant. On a trouvé des conseils de ouf pour toi, mais les garçons. Ouais. Est-ce que quelqu'un a déjà été bloqué dans la friend zone? Ne nous dites pas tout maintenant, juste dites-nous oui ou non. Oui. Oui, Amir, ça m'étonne pas. Enzo? Non, jamais. Jamais, Thibaut Alaréa? Moi non, mais par contre, j'ai une histoire de ouf à vous raconter avec un pote. D'accord, toujours le fameux pote, hein, on connaît. Yannick du Standard? Ouais. Ouais. Bon, tu vois, t'es pas le seul. Il y a plein de garçons là dans l'équipe qui sont restés bloqués dans cette zone. Moi aussi, hein, j'ai été bloqué dans la friend zone, les gars. Ah bon? Ouais. Moi, ça m'est arrivé quelques fois, ouais. Enzo est dans la friend life même. Bon, Bichon, tu restes avec nous. On a des conseils, on a trouvé des solutions. On va essayer de t'aider, d'accord? Ok, pas de problème. Allez, bouge pas Yacine. Et puis vous, si vous avez des conseils pour Yacine, vous nous appelez 01 42 48 5000 # le night show. On va aider là tous ensemble la France. La France avec Yacine. Yacine, ouais. Allez, bougez pas. La radio numéro 1 sur les nouveautés dance, électro. C'est Fun Radio. WNW Feder Calvin Harris. Félix J. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio, Fun Radio. Sur funradio.fr. Salut, c'est DJ Snake sur Fun Radio. Radio. Le son dance floor. Dance floor. Dance floor. me feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. Soprano, de 22h à minuit, c'est le Night Show. Si tu les croises, fais un peu. Si tu leur parles, fais un peu. Si tu les touches, fais un peu. Car ce soir, je suis un mère. Je suis un mère. Je suis un mère. Crois-moi, ce soir, je suis un mère. Je suis un mère. Un mère. Oh, je suis un mère. Le Night Show. Sur Fun Radio. Et restez là parce que dès qu'on le reçoit, là, on attend, on surveille les boîtes mail. Dès qu'on a le nouveau soprano, on vous le balance dans le Night Show. Ouais. C'est énorme quand même. Hein. Moi, j'adore découvrir des titres comme ça avec vous en direct. On va vous le passer quand même avant la fin de l'émission, non ? Et on sera les premiers. À minuit tout pile, on sera les premiers en France à le jouer. Ah, c'est à minuit tout pile qu'on le joue ? On n'a pas le droit de le jouer avant. Oh là là là là, le stress. Ah ouais. Et alors, si on le joue à 23h59, est-ce qu'on risque la tôle ? Ah bah, soprano qui arrive. Bah, ça me dérangerait pas. Bon, on était avec Yacine Darban. Alors, Yacine, je vous fais le topo. Il est tombé amoureux d'une fille qu'il a rencontrée à la rentrée scolaire. Et puis, il a un peu l'impression d'être dans la friend zone, quoi. Hein. Il est un je peu... suis dans la friend zone. Zone, zone, zone. C'est Norman qui avait Norman qui a fait une vidéo avec Natou sur la friendzone qui était très drôle d'ailleurs. Yacine, tu es toujours là? Oui. Alors, Yacine, déjà, première chose pour te rassurer, beaucoup de personnes dans cette équipe et au standard, parce que ça appelle, ont vécu la même chose que toi ou sont en train de le vivre. D'accord? C'est cool, je suis pas le seul. Bah non, t'es pas le seul, c'est normal. En fait, on peut très vite tomber dans la friendzone parce que quand tu es attiré par une fille, parfois tu mets un peu du temps. Du coup, tu passes par la case amitié, la case confident et bim, t'y arrives. Donc c'est un peu normal en fait, hein. Ouais, et puis à ton âge en plus, t'as un côté un peu où t'es maladroit. Donc du coup tu sais pas te vendre et tu sais pas encore bien séduire. Donc du coup, plutôt que d'être séducteur, tu vas être plutôt protecteur, une épaule sur laquelle elle peut se pencher, un mec drôle, un mec sympa, mais pas forcément le séducteur qui a, tu vois, qui la ferait craquer, quoi. Ouais. Mais je pense ouais, que ton éviter de faire ça. Mais je pense que ton cas, Yacine, il est pas dramatique en vrai, hein. Non. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des solutions. On en a trouvé quelques-unes. Je vais te les donner tout de suite. Et après, on aura les histoires des garçons dans l'équipe. Et d'Anso, puisqu'a priori, c'est une adepte de la zone. Non, mais ça m'est arrivé une ou deux fois, quoi. Il n'y a rien à raconter. Ah oui. Mais ça va alors. Mais tu sais, est-ce que tu as réussi à en sortir? C'est ça le plus important. Pas du tout. Hein. Je me suis pris deux râteaux et voilà. Ah bon, on n'aura pas les histoires d'Anso. Alors, les conseils, Bichon, est-ce que tu as de quoi noter ou en tout cas retenir dans ta tête? Ouais, c'est bon, j'ai une bonne mémoire. Alors, la première chose, et je trouve que c'est pas mal, il faut un petit peu fuir. C'est-à-dire que là, ok, vous êtes très proche, t'es son sang, comme elle dit, mais il faut mettre un peu de distance. Là, il faut que, tu vois, tu fasses comme si de rien n'était, que tu l'ignores un peu. C'est important pour qu'elle aussi, elle se rende compte, elle se dise, tiens, il me manque. Ouais. Tu vois? Ouais, par exemple, dans la cour, tu vois, je la suis très souvent. Et ensuite, quand je m'éloigne un peu, c'est elle qui vient vers moi. Et voilà, il faut que tu continues à faire ça. La suis de moins en moins. Éloigne-toi un peu. Et essaye de te rapprocher d'autres filles aussi. Ok. Alors, la deuxième solution, alors moi, je suis pas trop pour. Hein, c'est conseillé sur Internet, mais ils disent être cash et tout lui dire. Moi, j'aime pas trop. Ça peut marcher, mais ça peut la brusquer aussi, surtout à 14 piges, tu vois. Ouais, c'est à double tranchant en fait. Soit tu te prends un gros râteau, soit ça marche. Mais donc ça, je suis pas fan. Ne pas mettre les petits plats dans les grands, donc ça c'est pareil, t'es un peu jeune, mais ça sert à rien d'organiser une grosse déclaration de ouf. Ça va plus lui mettre la pression qu'autre chose, tu vois. Si jamais t'es amené à lui dire, tu lui dis tout naturellement. En mode, écoute, je crois que je commence à te kiffer, ça me fait bizarre, on est potes, mais voilà, tu vois. Ouais. Ne surtout pas essayer d'y aller à l'usure, alors ça, hyper important. Ah non, et on évite la lourdeur. Ah ouais, le côté psychopathe, ça, ça fait fuir mais toutes les filles. Donc au pire, vaut mieux, si vous prenez un râteau les mecs, attendre un peu, aller faire votre vie, revenir quelques temps après. Mais alors l'insistance, jamais hein. Non, surtout quand t'as pas été insistant dès le départ. C'est-à-dire que si t'es insistant avec une fille au début, ça va la faire marrer et tout. Puis quand tu vas t'éloigner, elle va se dire, oh bah mince, je l'aimais bien en fait. Mais si t'as pas été lourd au début, la lourdeur ne marche pas à retardement. Exactement, et le dernier conseil, Anso t'en parlait tout à l'heure, c'est la rendre jalouse. Ça, ça marche à tous les coups, parce que nous, parfois, on a besoin de ça pour se rendre compte des choses. Parfois, on est dans notre petit confort, on a notre pote, on se dit c'est bien, il est là quand on veut et tout. Et c'est au moment où il commence à s'intéresser à d'autres filles, à aller flirter ailleurs, que là, on panique, et là, on n'est pas bien, et là, on revient vers le mec. Donc, c'est hyper important que tu parles à d'autres filles, que tu commences à lui dire « Ah, elle est pas mal, elle, et tout, tu vois ?» Ouais, je vois. Et tu peux faire des actions en vérité aussi. Ah oui. Non mais sans vanne. Ouais, c'est trop bien ça. Sans déconner. C'est vachement, ouais. C'est une bonne idée ça. T'es avec tes potes, un petit action en vérité, tu mets ton pote dans la confidence, va me smaquer cette personne, et puis d'un coup, tu vois, il y a un rapprochement. C'est pas bête du tout ça. Hein. C'est pas bête. Il faut vraiment avoir un complice par contre. Hein. Ouais. J'avais cette idée en tête. Eh ben, tu peux mettre en pratique. J'aime beaucoup le délire. Après, faut pas qu'elle comprenne que c'était un coup monté, parce que là, elle va fuir. Ouais, là, elle va. Bon, Yacine, on a du monde au standard pour toi. Est-ce que tu es prêt? Oui. Flavien est avec nous, il habite au Mans. Bonsoir Flavien. Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe. Salut. Ça va? Bah ouais, ça va, ouais. Alors, est-ce que toi, tu es un habitué de la friendzone ou pas? Ah, de ouf. Pratiquement toutes mes histoires, ça s'est passé comme ça. C'était tout le temps, au final, on reste potes et tout. Et là, ma dernière histoire, en fait, c'est, je suis sorti avec une fille, mais genre, on sortait vraiment ensemble. On s'embrassait et tout. Genre, j'ai été tombé dingue, amoureux d'elle. Et au final, au dernier moment, elle me fait, ouais, non, mais en fait, je ne vois pas trop ensemble. Je préfère, je te vois plus comme un pote parce que je peux te faire confiance et tout. Enfin, j'ai trop l'impression que t'es mon meilleur ami et tout. Donc du coup, elle m'a largué en me disant reste pote et tout. Enfin voilà. Mais du coup, vous êtes restés combien de temps ensemble? Bah, on est restés quelques mois, 4-5 mois ensemble. Ah, ah quand même. Ah ouais, mais c'est bizarre qu'elle te largue comme ça, parce que d'habitude, c'est avant qu'on met les râteaux, quoi. Après, Flavien, excuse-moi, mais ça sent quand même la bonne excuse pour te quitter en douceur, tu vois. Mmh. Genre, j'ai peur de mettre... J'ai envie, mais maintenant, ça fait quelques mois qu'elle m'a laissé, mais maintenant, on est toujours proches et tout, on est vraiment comme des meilleurs amis. Enfin, ah ouais, alors toi, voilà, t'es pas rancunier pour un sou, quoi. Ah non, mais je suis plutôt genre facile à pardonner et tout, donc voilà quoi. Et puis je pense qu'il a envie de la garder dans sa vie aussi, t'as pas envie de la perdre. Ouais, c'est ça en fait, puis j'arrive pas à me recaser avec quelqu'un d'autre, donc voilà quoi. Ouais. Ah, attention à pas être trop gentil, Flavien. Et maintenant, c'est devenu un peu ma sex friend, donc voilà. Oh là là, c'est un beau bourbier. Ouais, là, c'est compliqué. Ouais. Anso a raison, attention à pas être trop gentil, parce que je sais que vous comprenez pas ça, mais parfois, on a besoin d'être pas malmené. J'ai pas envie de dire ça, parce que c'est pas vrai, on aime les garçons bons et sympas, mais on a besoin que ce soit pas trop facile tout le temps non plus, ouais. Que vous soyez pas là à rappliquer à la moindre occasion. Tu vois, on a besoin aussi... que vous fassiez désirer un peu, tu ouais, vois. Ouais, on a besoin de challenge. Voilà. Ouais. Tu vois, Flavien. Donc, toi, ouais. C'est à mon avis, c'est ça qui t'a perdu. Trop gentil, trop bon, trop parce bon. Que toi, t'as l'air d'être encore amoureux d'elle, et puis elle a tout, en fait, parce qu'elle t'a en pote. Et puis quand elle a envie de faire l'amour, bah, elle t'appelle. C'est ça. Donc, au final, sa vie, c'est un kiff, quoi. Sauf que toi, si t'arrives pas à te recaser, c'est peut-être parce qu'il y a de ça aussi dessous. Ouais, peut-être, ouais. Et si tu veux la récupérer, essaie de te rapprocher d'autres filles, commence à lui dire que tu vois quelqu'un d'autre, tu vas voir, ça va la rendre ouf. Ou alors, si ça la rend pas ouf, c'est que vraiment, elle a zéro sentiment pour toi. Ah oui, c'est pas bête. Ouais, Flavien, j'ai envie de suivre ce dossier au Mans. D'accord. Donc tu nous tiens au courant, d'accord Flavien? Ok, pas de soucis. Allez, on t'embrasse, bisous. Bisous, merci beaucoup. Bisous. Amir des réseaux sociaux, toi, tu nous avais dit que tu avais une histoire de friendzone. Alors raconte, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu en es sorti surtout? J'en ai eu plusieurs. Vous voulez laquelle? Collège, lycée, fac? La plus sympa, écoutez, j'ai envie de te dire. Ok, bon, en fait, j'étais avec une fille, je me souviens, elle s'appelait Kim, j'étais tellement amoureux d'elle, mais vraiment amoureux d'elle. Et en fait, du coup, bah, pour être son futur mec, je me suis dit, bah, il faut lui parler tout le temps. et on s'entendait super bien. Je lui faisais plein de blagues, je la faisais rire, c'était bien. Ouais. Sauf que bah en fait pour elle j'étais son best quoi en fait. Voilà. Ouais. J'étais son pote et puis j'ai compris le jour où elle a eu un mec et qu'elle me l'a dit en premier. Ouais ben. Bah. Elle me l'a dit et ça m'a vraiment fait mal au cœur. C'est dur. Alors j'ai trouvé une technique. C'est que j'ai disparu de la circulation. Après, on était dans le même collège. Mais j'ai disparu et on a arrêté de se parler. Puis elle est revenue vers moi, celle qui revenait. Mais pourquoi tu me parles plus sur MSN, etc. C'est fou comme ça fait le même effet à toutes les meufs. Dès que vous commencez à mettre de la distance, ça nous rend dingue. Oui, ouais. C'est sûr. Et du coup, elle est revenue et tu l'as pécho? Ah non, je l'ai pas pécho par contre. Ah, oui. J'ai pas réussi à la pécho parce qu'elle était avec un mec. En plus, c'était un pote à moi, donc c'était compliqué. Mais je pense que c'est la meilleure technique. Il faut disparaître. C'est un peu suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. C'est exactement ça, Yacine. Non, Amir a raison. Hein. Oui. Ok, je vais suivre ça. Disparaître, la rendre un peu jalouse et tenter des trucs style action ou vérité. Franchement, on est bon. Il y a Yannick du Standard qui avait une histoire aussi. Ouais, alors moi, c'était une meuf, c'était au lycée, je la kiffais. Et le truc, c'est qu'on est devenu hyper, mais hyper potes. Pas du tout en couple, c'est ça le problème. Sauf qu'elle est sortie avec un pote à moi et moi, j'ai trouvé l'astuce en fait pour sortir avec. Faut lui montrer les points noirs. Oh non, t'es dur. Ah ouais, tu t'es fait passer pour le gars en gros qui descendait son mec. Voilà, mais j'étais son ami. Et un jour, elle était mal avec mon pote et elle m'a dit ouais Yannick ça va pas et tout. J'ai dit ben viens on en parle et puis voilà je suis sorti avec. Ah mais ça c'est tarba pour ton pote. Ouais mais comme quoi la friendzone des fois il y a des bons aspects. C'est bizarre quand Yannick parle et qu'il y a pas de mots sales et qu'il y a pas de truc crado. Ouais, il y a quand même un coup tordu quand même. Hein. Le mec a aucune notion d'amitié quoi. Non mais alors j'ai défoncé mon pote et puis après je l'ai pécho sous son nez. Bah, mais il est pervers en tout ce Yannou. Oh j'adore. Thibaut à l'aria toi t'avais une histoire aussi. Ouais pour moi la friendzone elle n'existe plus depuis le mois de septembre. Pour moi, c'est un truc, ça y est, ça n'existe plus. J'ai un pote qui a couché avec sa meilleure amie. Ça faisait genre 6 ans qu'ils étaient potes. Et genre, ils ont couché ensemble un soir, ils n'avaient pas bu, il n'y avait pas de délire machin. Ils se sont juste fait un câlin. Et d'un coup, ils se sont mis à coucher ensemble. Et alors ? Et du coup, maintenant, bah, ils sont plus potes. Mais par contre, ils recouchent ensemble régulièrement. Ouais, mais c'est pas cool du coup. Ouais, mais 6 ans quand même, c'est ta sœur limite. Ouais. Bah, c'est ça, tu vois. Mais pour moi, du coup, la friendzone, elle n'existe plus. C'est genre, c'est un truc, pour moi, ça n'existe pas. D'accord. Tu peux coucher avec n'importe qui en fait. Bon bah écoute, la théorie Thibaut a été lancée. Ouais. Vous en faites ce que vous voulez. On a Noémie à Annecy avec nous aussi. Bonsoir Noémie. Salut Sylvie, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça va ? Mais oui, ça va et vous ? Ouais, ça fait plaisir d'avoir le point de vue d'une fille là-dessus. Dis-nous, est-ce que toi, tu as été victime de la friendzone ? Oui, oui. Et je l'ai surmontée en fait. Et un peu, voilà, un peu comme tout le monde l'expliquait, en essayant de faire un peu suis-moi, je te suis, quoi. J'ai essayé d'être avec mon meilleur ami plusieurs fois et lui, il me prenait vraiment pour une pote. Il n'imaginait pas plus. Du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, je vais essayer d'être un peu plus distante, essayer d'y parler peut-être un peu d'autres gars, voir comment il réagit. Et effectivement, il a commencé à se rapprocher un petit peu, à dire, expliquer, enfin, dire les points négatifs, ouais, mais lui, mais ceci, cela. Donc, du coup, on s'est un peu rapprochés comme ça, et finalement, on s'est mis ensemble, et puis ça se passe très bien. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble, et ça roule. De l'espoir, enfin, de l'espoir. Carrément. Ah bah belle histoire, mais c'est vrai que, je sais pas, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que les histoires d'amour basées sur une histoire d'amitié sont les meilleures. Parce que du coup tu connais par cœur la personne, il y a une confiance de ouf, il y a moins de passion, mais quand même c'est les meilleures. Après, c'est celles qui durent. Ouais c'est vrai, après je sais pas, moi ça m'est jamais trop arrivé ça, d'être très amie et puis après d'avoir une histoire, moi c'est tout de suite ou rien tu vois. Ouais. Donc, toi t'es vachement passionnelle toi, c'est le coup de foudre, mais moi je trouve ça pas mal quand même. Mais ouais, mais tu vois, en fait, Yacine, en réalité, avec tous les témoignages de l'équipe, des auditeurs aussi, il y a un truc qui est vrai, c'est que il faut que tu prennes un petit peu de distance avec elle, et il faut qu'elle se rende compte que t'avoir avec toi, c'est un challenge. Donc il faut que tu la brusques un peu, tu vois. Ouais, je vois. Il faut que, en fait, en t'éloignant un peu, c'est parfois comme ça qu'on se rend compte de l'importance que les gens ont dans notre vie. Waouh, c'est beau Enzo. Merci beaucoup. Bravo. On veut vraiment que tu nous tiennes au courant, Bichon. Si jamais tu veux de l'aide, on peut l'appeler, on peut faire ce que tu veux vraiment pour t'aider à la choper. Il y a pas de souci. Mais avec ces conseils, je pense que ça devrait le faire. Aussi, j'ai une question. Oui. Comme je suis battue au collège et que toute ma classe elle sait, est-ce que ça pourrait gagner des points ? T'es quoi au collège ? Ouais, je suis battue au collège. Tu es battue. Bastio, c'est quoi ça ? Non, battu. Ah, tu t'es battu ? Ah, tu t'es battu ? Fight. Ouais, non, on a compris en anglais. Ah, d'accord. Mais non, ça, je pense que les filles sont pas spécialement fans des mecs qui se battent. Non, franchement, Yacine, c'est, je pense, c'est pas un bon point, ça. Il y en a quelques-unes qui aiment, mais c'est pas les meilleures, mon pote. Non, il faut pas faire ça, ça sert à rien. Non, faut pas te battre, ça sert à que dalle. Moi, je me suis jamais battu, pourtant, j'ai chopé plein de neufs, donc. Voilà. Ouais, bah moi non plus je me suis jamais battu. Ouais, non, voilà. tu vas passer pour un vieux mec. Pour un bourrin et tout. Non, lui dis pas, ça sert à rien. Non, mais en fait c'était lui qui m'avait cherché. Non, mais il y a pas de souci, on te juge pas, pigeon. Mais essaye de régler les choses par la parole déjà. Et lui dis pas parce que honnêtement, voilà, sauf si c'est le genre de fille qui aime bien ça, je pense que tu vas le sentir. Mais honnêtement, ça va pas te donner une bonne image, ouais, tu vois. Et puis entre nous, si la meuf elle aime les mecs qui se battent, bah pff. Ouais, c'est ton. Ouais, non, franchement, Yacine, en plus t'as 14 ans, c'est-à-dire qu'à un moment donné, faut arrêter ça, tu vois. Ouais. Hein. Ouais, je vois. Yacine, on a des messages là sur le Twitter et le Facebook. Hashtag le Night Show. Est-ce qu'on a de la friendzone, Amir? Ouais, il y a Salim, Amir Salimi qui dit il faut que la fille soit au courant, mais pas lui dire directement. Il faut briser l'amitié et s'éloigner un petit peu. Mmh. Elle a raison, effectivement. Il a raison, effectivement. Valentin 31, ça m'est déjà arrivé. J'ai tout avoué à la fille et j'ai réussi à la voir. Ah bah tu vois, il y a de l'espoir aussi, Yacine. Ouais. Et puis un autre tweet de Quentin qui dit. J'ai tout avoué et j'ai tout perdu. Aïe. Bah oui, de toute façon, le fait d'avouer et d'y aller cash comme ça, c'est à double tranchant. Hein. Soit en fait, ça passe, soit ça casse. Il n'y a pas vraiment de science exacte, hein, mon pote. Hein. C'est faut vraiment, le sentir, en fait. Et dis-toi juste que t'as qu'à essayer. Et puis si la fille, elle te kiffe pas, bon, bah au moins, t'auras pas de regrets. Oui, mais t'as raison, Amir. Mais avant d'essayer de lui avouer, fais ce qu'on t'a dit. Tu vois, un peu de distance, ouais. Des petits jeux style action-vérité, rends-la jalouse et après, t'iras lui dire, d'accord? Ok. Bon, Yacine, tu nous tiens au courant et t'arrêtes de te battre. Ok, pas de problème. Mmh. Allez, on te fait des bisous. Et juste avant bisous. Que tu partes, on va demander à Pépère si il a un avis sur la friendzone ou pas. Comment ça se passe, Pépère? Bah, Pépère, lui, il est déjà sorti de la friendzone, hein, bah oui. Alors, comment t'as fait? Yacine est toujours là. Bah, Pépère, il a enlevé sa bite des fesses de son copain et voilà, il est sorti de la friendzone. Bah oui, parce que Pépère, il a fait 2 ans d'anglais. Oui, d'accord, merci. Et Pépère. Friend, c'est copain. D'accord, ça marche, on a bien saisi. Allez, restez avec nous dans un instant sur Fun Radio. C'est le Pourquoi tu m'appelles qui va débarquer. Et puis pour le son, tout de suite, c'est Sia avec qui? Avec Kendrick Lamar, parce qu'il est tout le temps là quand on a besoin de lui. On écoute The Greatest sur Fun Radio. I'm the youth, ayy, I am the greatest, ayy, this is the proof, ayy, I work hard, pray hard, pay dues, ayy, I transform with pressure, I'm hands on with effort, I failed twice before, my bounce back was special, letdowns will get you, and the critics will test you, but the strongest survive, another scar may bless you, I don't give up, nah, no. I won't give up, nah, no. Don't give up, no, no, no, nah. Don't give up, I won't give up. I'm not afraid to. êtes dans le Night Show, c'est Marion et Anso, on est en direct jusqu'à minuit. Alors, pas de confusion, parce que vous êtes nombreux à nous demander qui est qui. Et ben Marion, c'est la petite brune, et moi, Anso, je suis la petite blonde. Vous pouvez nous voir d'ailleurs, en vrai, sur notre chaîne YouTube Marion et Anso. Parce qu'ils sont vraiment nombreux à se demander qui est qui. Non, mais je te jure, on a reçu des mails sur la page Facebook de l'émission en disant, excusez-moi, vous êtes qui est qui? Ah bon, il y en a qu'un qui a demandé. Je réponds. D'accord, t'as bien fait. En tout cas, si vous voulez nous voir en chair et en os, ça se passe sur notre chaîne YouTube Marion et Anso. On a reçu Pitbull, on a reçu Tal, on a reçu plein de gens, on fait les cons sur le pourquoi tu m'appelles. Il y a du je te demande pardon, du wesh c'est qui, de l'incroyable talent. Enfin, tout ce qui résume cette émission, en vidéo sur YouTube. Pourquoi tu m'appelles? Je vous appelle pas. Ne me fais pas chier. Vous êtes qui là, pauvre con? C'est dans le Night Show sur Fun Radio. Vous avez faim? Ça tombe bien, puisque dans le pourquoi tu m'appelles, on vous offre 100€ à dépenser partout chez Deliveroo.fr. C'est génial. Franchement, j'adore. Nous, on commande hyper souvent avec l'équipe. C'est tous les restaurants, vous avez accès, qui vous livrent directement. Voilà, en moins de 30 minutes. Et c'est bon. Et c'est vachement bien, effectivement. Et moi, ça me coûte un fric monstrueux. Et bien, pour vous, c'est gratuit ce soir. Ce soir, au pourquoi tu m'appelles, on joue avec Louis Doutreau. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Marion. Bonsoir, Anto. Bonsoir, l'équipe. Salut. Franchement, c'est la première fois que j'ai quelqu'un Doutreau. Ouais. C'est chaud, hein, quand même, Louis, non? Ouais, ça va, c'est quand même tranquille. Outreau, on rappelle qu'il y avait eu un grand scandale, hein, une affaire de pédophilie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Avec le grand procès et tout. T'étais pas dedans, rassure-nous. Non. Mais Louis, essaye de redorer un peu le blason d'Outreau, parce qu'à chaque fois qu'on en parle, on pense à ce procès. Est-ce qu'il y a des trucs bien à faire à Outreau? Est-ce qu'il y a une fontaine, une rivière? Pas du tout. D'accord, on restera sur le procès. Tu veux jouer face à qui ce soir? Face à Marion. Cool. Alors, Louis, on va donner un handicap à Marion pour que ce soit plus facile pour toi de gagner. D'ailleurs, on va la laisser démarrer. Ça te laissera un petit peu une jauge approximative du temps. Marion, tu vas devoir placer le plus de fois la phrase « j'ai mal à l'anus ». Mais excuse-moi, est-ce que tu peux trouver des handicaps un peu plus glamour pour moi? Parce qu'à chaque fois, je passe pour la meuf trash. Bah justement, en fait, pour ce que tu passes un peu pour une trash. D'accord. Louis, on laisse Marion commencer, ça te va comme handicap? Ouais, ok, parfait. Rassure-nous, Marion, ton anus va bien. Tout va bien de ce côté-là, merci. Non, parce que ça pourrait être mal interprété, non. J'ai un anus en parfaite santé. L'anus d'or, on m'appelle dans le métier. Oui, allô? Oui. Bonjour, j'ai mal à l'anus. Bonjour. Bonjour. Pourquoi tu m'appelles? Ah non, c'est pas moi qui ai appelé. Là, j'ai mal à l'anus. Donc, il y a mon téléphone qui vient de sonner à l'instant. Donc, j'ai décroché, moi, parce que je me dis peut-être que c'est important, peut-être qu'on se connaît, peut-être qu'il y a une urgence. Mais ça m'arrange pas vu que j'ai mal à l'anus. Mais du coup, pourquoi vous m'appelez? Non, moi, je réponds au téléphone qui sonne. D'accord, j'ai mal à l'anus. Alors, je sais pas, peut-être que c'est encore un bug, ça me saoule, ça fait la quatrième fois. Enfin, franchement, je sais pas si ça vous arrive souvent, mais moi, je galère. Ça vous arrive jamais? Non, je pensais que c'était quelqu'un qui rappelait parce que j'ai mis une annonce pour une vente. D'accord, parce que moi, j'avais bien précisé sur un site que j'avais mal à l'anus, mais je me dis que je sais pas si c'est pour ça, parce qu'en fait, je cherche une solution. Alors, peut-être que c'est la raison de votre appel. Est-ce que vous vendez des crèmes, éventuellement, ou des remèdes? J'ai pas appelé, j'ai eu mon téléphone qui a sonné, donc j'ai décroché. Alors, peut-être que vous vendez directement des anus? Alors, des anus en silicone, des anus en plastique. Non, parce que alors, c'est vraiment délicat. J'ai mal à l'anus et ça, j'arrive pas à m'en défaire de ça. Hein. Alors, pourquoi tu m'appelles? Mais j'appelle pas, c'est pas moi qui appelle. Écoutez, monsieur, alors moi et mon anus, on commence à en avoir marre. On est souvent dérangé. Ah, d'accord. Il a accroché. Ah, mais Anus, il faut que t'arrêtes de partir en fou rire. Je ne peux pas me concentrer. Mais en fait, parce que, en fait, je vous le dis, vous auditeurs de Fun Radio, vous voyez pas Marion. Mais Marion, en disant la phrase, elle l'assume pas du tout. Non, mais je peux pas trop l'assumer, sinon il raccroche en deux secondes. Combien il était sympa. Hein. Combien de temps, Thibaut? On a fait une 20 là. Une c'est 20. Pas mal. Ouais. Et vous me le rappelez au standard parce qu'il est très gentil, ce monsieur. Louis, une minute 20 à battre, comment tu te sens? Ça va être dur, mais je suis confiant. Bah alors, oui, champion. Louis, comment va ton anus à toi? Ça va. Bon, me voilà rassuré. C'est un petit ça va quand même, hein, Louis. Team anus qui vont bien. Hashtag anus. Oh merde. Dites-nous avec le hashtag anus comment vous allez sur Twitter. On a 8 ans. Allô? Allô, ouais, bonsoir. Pourquoi tu m'appelles? Pardon? Je sais pas, mon téléphone il sonne et du coup je décroche, donc pourquoi tu m'appelles? Mais enfin, je ne sais même pas qui vous êtes, c'est vous qui m'appelez. Ah bon, non, pas du tout. Moi, je viens de voir mon téléphone sonner. C'est marqué numéro privé en plus, donc je pensais que, je sais pas, enfin, je décroche et... Bah, écoutez, oui, enfin, moi, mon téléphone était arrêté. Ce n'est pas moi qui vous ai appelé. Ah bon? Bah, vous êtes sûr certaine, parce que c'est pas moi qui vous ai appelé, hein. Ah bah écoutez, excusez-moi, mais bon, j'étais en train de faire la cuisine, je n'étais pas en train de téléphoner. Ah bah voilà. Je sais pas, mon téléphone il a sonné, vous êtes sûr certain que c'est pas vous, hein. Bah écoutez, là, vous n'allez pas me poser la question 20 fois, monsieur. Ouais mais là j'étais dans mon lit, j'étais tranquille, et puis là je vois mon téléphone. Oui, et ben voilà, ben arrêtez-y, bonne soirée. Oh, madame s'offusque. Madame a de la répartie, hein. Vous êtes dans votre lit? Eh ben restez-y. Ben bravo. À mon avis, ça va être extrêmement serré. J'ai aucune idée de combien de temps il a fait, mon Thibaut, à l'arrêt. Dis-moi tout. Il a fait une minute. Oh là là. Ah. Hashtag tristesse. Ah, il y a quand même 20 secondes d'écart, hein. Dans ces cas-là, comment on fait? Alors, si tu es capable de tweeter hashtag anus, on te l'offre. Ouais. Tu peux le faire ou pas? Bah, j'ai pas Twitter. Il s'en sort toujours. Voilà, c'est ça, une porte de sortie, c'est comme. Alors, qu'est-ce qu'on fait, l'équipe? Alors, on va faire un vote à main levée, tu peux pas voir, mais dans l'équipe, qui veut lui offrir quand même parce qu'il a été bon et que j'ai eu de la chance? Ah, bah personne. Mais si, je suis toute seule, moi. Bah oui, t'es toute seule, bah je suis désolée, mais. Bah ouais, mais la règle est la règle. Louis, mon petit chat, tu sais ce que tu vas faire? Tu feras un pourquoi tu m'appelles de rattrapage. On va le noter immédiatement. Dans 15 jours, tu repasses avec nous. D'accord, ok, merci, super. Ok, allez. Mon loulou? Ouais. Allez, bon. On t'embrasse. Ouais, bisous, salut. Bisous. Poutou. 01 42 48 5000 pour faire de la radio avec nous, comme Cyril, 26 ans. Alors Cyril nous a appelé parce qu'il a un souci. Il est encore puceau. En gros, il se dit trop sentimental. Dès que ça commence à aller un peu trop vite, que les choses avancent, il a un blocage et il n'arrive pas à passer à l'action. Donc je peux comprendre qu'à 26 ans, ça commence à te poser des questions. On va en parler ensemble. Si vous aussi, vous êtes toujours puceau après 25 ans, appelez-nous. Par choix ou par dépit, on s'en fout. 01 42 48 5000. On en parle ensemble juste après Calvin Harris sur Fun Radio. Pas puceau du tout, lui. Tu m'étonnes. Why wait to say, at least I did it my way. Lie way too fast, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Vous êtes dans Night Show, c'est Marion et Anso. Et on vous rappelle que vous pouvez gagner encore du gros cadeau. Vous allez pouvoir assister au MTV EMA 2016. Ce sera à Rotterdam et vous partez avec la personne de votre choix. Tout frais payé, tranquille, au calme, j'ai envie de vous dire. Et vous participez par SMS, vous envoyez MAS avec vos coordonnées au 74 900. Et on fera un tirage au sort jeudi soir dans l'émission. J'aimerais tellement y aller, c'est ouf. Déjà, je connais pas du tout les Pays-Bas. Et en plus, c'est quand même un événement de ouf. Vous voyez de la star, vous faites les tapis rouges, vous êtes, vous avez rien à payer sur place. Ouais. Hôtel, la totale, franchement sympa quoi. Et vous pouvez voter pour tous les nominés sur mtvema.com. Allez, 74 900, oubliez pas de mettre MAS parce que sinon on les reçoit pas. Bah oui, forcément, parce que c'est une histoire de tuyaux ça, hein, le tuyau du SMS. Il serait perdu sinon. Hein. Bon, en tout cas, on avait Cyril au téléphone là ce soir, Cyril a besoin d'aide. Oui. Bonsoir le Sissi, bonsoir le Riril. Salut les filles, salut l'équipe. Check. Ça va toi? Ça va, ça va. Alors, toi, tu as un sujet pas banal, t'as 26 ans. Ouais. Et donc, tu es encore puceau, mais par contre, tu as quand même régulièrement des relations avec des filles, sentimentales. Voilà, ouais, c'est ça. D'accord, et alors, qu'est-ce qui se passe, Bichon? Pourquoi est-ce qu'on est encore puceau à 26 ans? Bah, en fait, voilà, quand je suis avec une fille, ça se passe bien et tout, sauf qu'au moment où c'est que, voilà, on peut conclure, et non, j'ai un blocage et ça va pas, quoi. Enfin, c'est pas possible, c'est impossible. Ouais, alors, et je pense que là, aujourd'hui, maintenant, tu bloques par rapport à ton âge, t'as peur de les faire fuir et tout, non? T'as peur qu'elles se rendent compte que tu es puceau? Voilà. Mais comment ça, c'est quoi le blocage? C'est que t'arrives pas à avoir d'érection? Enfin, il y va pas. Pour moi, ça va trop vite, c'est pas possible, enfin, pour moi. Mais du coup, si tu rencontres une fille et que vous attendez, par exemple, tu vois, ça se passe bien, vous sortez ensemble, vous faites des bisous, voilà. Et il te faut combien de temps? Après voilà, j'ai pas un temps bien limité, mais après c'est vrai que bon, les dernières filles avec qui j'ai été, au bout de 2-3 jours, elles étaient chaudes, voilà quoi. Oh bah dis donc. Elles étaient prêtes à y passer quoi, en gros. Ouais, 2-3 jours c'est limite quand même. Ah oh, ça va, 2-3 jours, attends, elles peuvent attendre quelques semaines, je suis désolée, Anso, tu me fais les gros yeux, mais non, on peut... Non, mais je peux comprendre qu'à 25-26 ans, oui. On a envie de... Bien sûr. On a envie de tester et de faire l'amour, surtout quand ces filles-là, elles doivent être face à toi et tu leur plais, donc forcément, elles ont envie d'aller plus loin. Alors, Cyril, est-ce que tu as essayé l'honnêteté, tout simplement, de leur dire, voilà, moi, j'ai toujours voulu attendre une personne avec qui je me sentais bien, je te cache pas que je l'ai pas encore fait, tu vois, essayer d'être honnête, peut-être que ça te détendrait toi et peut-être qu'elle l'accepterait très bien, tu vois? Je l'ai essayé avec une, on a attendu et en fait, le blocage était là et en fait, peut-être le fait d'en avoir parlé justement, c'était encore pire et en fait, ça n'a pas marché quoi. Alors, est-ce qu'il faudrait pas, alors je le conseille pas quand on est trop jeune, mais là, toi, t'as 26 piges, t'es un homme, est-ce qu'il faudrait pas le tenter avec une personne d'un soir que tu connais pas, avec qui t'as pas de pression et à qui tu devras rien le lendemain, tu vois? Au lieu d'attendre d'avoir des relations, est-ce que tu devrais pas le faire avec une fille, tu vois, en soirée, comme ça, tu t'en fous, au pire ça se passe mal, tu vois? Ouais. Moi, après, en même temps, Cyril, ça a l'air d'être un grand romantique aussi. Donc le faire pour le faire, juste comme ça, est-ce que t'as vraiment envie de ça, Cyril? Moi non, en fait, pour tout vous dire, j'ai quelqu'un de ciblé dans la tête, en fait, voilà, je suis amoureux de quelqu'un depuis un moment. Ça fait 3 ans que je suis amoureux de la même personne et c'est compliqué de me la sortir de la tête, en fait. D'accord, mais cette personne, il s'est rien passé avec? Elle sait que tu es amoureux? Comment ça se passe? Ah oui, non, elle le sait parce qu'on nous parle, on en parle très ouvertement et il s'est jamais rien passé. Et il n'y a pas moyen? Le truc, c'est qu'elle est en couple, mais c'est une histoire compliquée. Ah ouais. En fait, c'est des anciens colocataires, c'est très compliqué. D'accord. Ça c'est un autre problème, mais peut-être que si ça a contribué à ton blocage, tu vois, le fait que tu sois amoureux d'elle, forcément t'as moins envie de faire l'amour avec d'autres filles. Moi, je pense qu'il faut que t'arrêtes de te mettre cette pression qui doit te bloquer de partout. Il faut que tu te dises, au pire ça se passe mal, si elle se barre, c'est que c'était une connasse. Tu vois ce que je veux dire? Tu le fais, t'y vas parce que t'as envie au fond de toi de le faire. T'y vas. Et puis ça se passe bien, tant mieux. Ça se passe mal, elle partira comme les autres, t'en trouveras une autre et petit à petit ça se passera de mieux en mieux. Arrête de voir ça comme une montagne. Et même si vous êtes plus jeune, si vous êtes plus vieux, arrêtez de, je sais pas, d'idéaliser ce moment. Évidemment c'est un moment important dans une vie, mais vous avez tout le temps, toute votre vie pour vous rattraper et être bon. Donc arrêtez de mettre la pression, tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis Cyril, toi effectivement, j'imagine que si tu couches avec une autre fille, t'auras un peu l'impression de tromper cette histoire qui t'obsède un peu depuis 3 ans. Mais, c'est ce que je comprends très bien. Mais visiblement, si elle est en couple et que c'est extrêmement compliqué, c'est pas très sain, quoi. Ouais, mais c'est compliqué parce que quand j'essaye de m'éloigner d'elle, c'est elle qui revient. Bien sûr. Je veux dire, mets cette histoire entre parenthèses. Toi, vis ton truc avec les filles qui rentrent dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y, arrête de dire ouais. Oh non, c'est trop tôt, oh non, machin. Si t'as envie de le faire, t'y vas. Après, si tu te dis, si tu le sens pas, qu'il n'y a pas assez de feeling avec la personne, évidemment, t'y vas pas. Mais juste. Ouais. Dis-toi que au pire ça s'est mal passé. Les gars, ça s'est mal passé pour vous tous la première fois. Wow. À peu près. Attends, est-ce qu'il y a Yannick du standard ouais. Le pervers là qui qu'est-ce dit qu'il non y a Yannick? Non, j'ai dit non pour la vanne, mais oui, ça s'est pas très bien passé. On n'est jamais bon la première fois, on est d'accord? On est moyen. Voilà, donc tu seras pas une exception à la règle, tu seras moyen. Ouais, on est tous moyens. C'est impossible d'être bon. Et c'est pas grave, au pire elle dira oh bah c'était moyen et bah tant pis. Et puis pour elle aussi c'est ses débuts, donc ses débuts vont aussi être moyens, tu vois, c'est non. Normal. Bah non, à 26 ans, s'il rencontre une meuf de 26 ans, elle aura peut-être dû je m'excuse de tout cœur face à la France pour ma connerie. Oui, Yannick au standard. Moi je pense qu'il faut qu'il aille voir une prostituée. Non, Yannick. Non, mais c'est pas possible. C'est pas du tout le genre et honnêtement non, rien à voir. Mais non, elle va l'éduquer. Attends, mais le gars il te dit ça d'une manière. Mais attends, je vois pas où est le problème. Non, pas du tout Yannick, c'est un sentiment. Il a un blocage, il va pas aller avec une prostituée, tu vois. J'ai rien contre les prostituées, mais enfin, là, c'est pas ça dont il a besoin, vraiment. Non, Cyril, il faut que tu trouves une gentille fille. Tu trouves une gentille fille, comme te disait Marion, un petit truc d'un soir comme ça, c'est sympa. Si en plus vous marrez et tout, c'est cool. Et il faut que tu vives vraiment ta vie parce que ton blocage, il est uniquement dû à cette personne qui te rend dingue et que il faut que tu vives pour toi là, à un moment, Cyril. Hein. C'est trop important. Hein. Ouais, bah. Bon, on a du monde au standard pour toi, visiblement. Ouais, et j'aimerais bien savoir, juste avant d'accueillir tout le monde, à quel âge tu l'as fait déjà, Enzo? Bon, tard, moi, 17 ans et demi, je crois, très tard. Amir? 17 ans. 17 ans, Enzo, tu l'as fait à quel âge? À 17 aussi, ouais. 17, Thibaut? Moi, je l'ai fait à presque 18, mais quasiment tous mes potes pensent que je l'ai fait à 15, j'aurais toujours pas dit la vérité. On l'a fait tard, hein. Moi, c'était 18, et toi, Yannick? Alors, je vais vous choquer. Il avait 8 ans, non? Ah oui, c'est vrai. Mais je l'ai fait tard, je l'ai fait à 18 ans. Ah, bah, ah, ouais. Oh. Je me choque, hein. On est tous dans la même moyenne, c'est cool. Dans un instant, j'ai d'ailleurs les âges de dépucelage des stars. Oh bah dis donc. Ouais, j'ai tout trouvé. C'est un gros dossier, c'est une grosse enquête. On a Laurine à Saint-Raphaël avec nous. Bonsoir Laurine. Bonsoir Mario et Anso, bonsoir toute l'équipe. Ouais. Bonsoir. Ça va toi? Ça va bien et vous? Ouais, très bien. T'as quel âge? Moi j'ai 25 ans. Ah, 25 ans, est-ce que tu es encore vierge ou pas? Oui, et moi c'est par choix. D'accord, t'as pas envie de le faire, tu veux être mariée, c'est ça? Voilà, exactement. En fait, je suis croyante et j'ai une bague de chasteté d'ailleurs que je porte avec moi. Ouais. Et moi, je me réserve vraiment, voilà, pour l'homme de ma vie et je veux rien faire avant le mariage. Mais donc, à quoi ça ressemble une bague de chasteté? Bah en fait, ça peut être comme un anneau ou une petite bague et puis après, soit il y a une petite croix dessus, soit tu choisis avec une petite écriture. Enfin, voilà, après, il y a différents modèles. Moi, j'ai celle avec une écriture où il y a mis le véritable amour, c'est attendre. Ouais, je la vois là. Ah, tu l'as? C'est les yeux. Tu l'as? Mais attends, mais Bichette, j'ai quand même une question. Ça fait un petit peu bague achetée chez Jennifer, non? Oh, oh non. Jennifer ne vend pas de bague. Ça hein. Va pas. Non, c'est une bague tati. Non, arrêtez, les gars, un peu de respect. Ouais, je la respecte beaucoup. Non, mais du coup, Laurine, c'est quoi en fait? C'est genre comme un truc que les personnes reconnaissent entre elles? C'est un peu ça, mais bon, après, voilà, ça reste discret. Et le but, bah, c'est qu'après, tu remplaces cette bague-là par ta future alliance. Mais juste, comment ça se passe avec les hommes? Est-ce que tu as des hommes qui te disent « Ok, je vais attendre » Est-ce que tu es obligée de choisir, du coup, des gens très croyants comme toi? Comment tu t'en sors dans ta vie amoureuse? Non, bah après c'est au feeling. Après c'est à voir un peu comment ça se passe. Si la personne avec qui je suis peut attendre. Pour l'instant c'est vrai que j'étais voilà juste au flirt. Certains acceptaient d'attendre un peu, mais c'est vrai que bon bah jusqu'à présent ils n'ont pas pu attendre plus longtemps. Après c'est vrai que Laurine, il y a un truc, c'est que on est plutôt hyper compréhensif quand les filles veulent attendre et tout ça, parce qu'on dit toujours que pour une fille c'est hyper important et tout. Et tout à l'heure sur la page Facebook, on a reçu un message de Charles qui a 14 ans et qui dit « Je sais pas comment faire les filles, aidez-moi parce que ma copine veut vraiment faire l'amour et moi j'ai peur. » Et donc en fait, il faut se dire ça aussi, c'est que on peut pas être plus indulgent avec une fille parce qu'elle souhaite attendre. Chacun va à son rythme. Si toi, Laurine, tu sens pas que t'as pas envie d'y aller, t'as raison, n'y va pas. Et Charles qui nous a envoyé ce message sur Facebook, pareil. Oui. Il faut se sentir prêt, c'est hyper important, quoi. On s'en souviendra toute sa vie. Bah, Cyril, c'est pareil. Hein. Garçon, oui, hein. Cyril, c'est pareil, il se sent pas prêt à chaque fois. Mais Cyril, je pense que c'est plein d'autres choses qui le bloquent. Je pense qu'il en a envie au fond de lui. Mais moi, je suis en train de. Il culpabilise pas, en tout cas. Hein. Non, bah, de toute façon, ils écoutent, t'inquiète pas, ils culpabilisent pas. C'est juste qu'il a envie de passer à l'action, quoi. C'est tout. C'est ça, Cyril. Ouais, c'est ça. Non, je culpabilise pas. C'est plus le blocage et la peur à arriver sur le moment. Et dans le coup, bah voilà, c'est pas possible. Ouais, ouais, tu perds tous tes moyens, je comprends. Voilà. Et je suis en tout cas, il n'y a ni aucune honte, hein, tu vois. Moi, j'attends le grand amour. Et puis, bah, ça arrivera quand ça arrivera. Et puis, pour toi, c'est pareil. Il faut que ce soit un bon moment et vraiment le moment, quoi. Bon, eh ben écoute, Laurine, hyper à l'aise, très bien. Merci de nous avoir appelé, Laurine, on t'embrasse. Bisous. Eh ben, bisous à vous, ravie de vous avoir eu au téléphone. Nous bisous. Aussi, bisous ma chérie. Je suis en train de penser à un truc, parce que Enzo nous a dit, moi je l'ai fait à 17 ans, mais ouais. Enzo, on est d'accord que toi, t'es toujours avec la même. Bah ouais. Mais ça veut dire que t'as jamais connu d'autres meufs sexuellement. Bah, à part elle, si, la sœur d'Amir, par exemple. Arrête. Mais non. Ah, je vais m'énerver devant tout le monde, là. Bah si. Non, mais la vérité. Non, franchement, j'ai connu qu'une seule meuf. Ah, c'est beau. Ouais. Bébé chat. Voilà. Bon. Mais pour moi, je peux dire un truc ou pas? Oui, tu vas dire un truc désagréable. Ouais. Non. Si. Je vais juste dire un truc. C'est beau. C'est beau. Franchement, dans un livre, je fais putain, c'est beau. Mais dans la vraie vie, c'est quand même cool d'aller voir ailleurs pour être sûr de pas se tromper, quoi. Il a pas tort, il a pas tort. Juste pour être sûr de pas être frustré plus tard. Ça se défend, mais Enzo, il est amoureux. Sa petite meuf, elle est trop cool. Laissez-le vivre son truc. Il peut rester amoureux. J'ai pas dit de plus être amoureux. Je vous ai trouvé les stars ou les. Quel âge elles ont perdu leur virginité? Est-ce que vous êtes prêts? Attention, il y a des histoires choquantes. Hein. Okay. On joue. Kim Kardashian, à votre avis? Oh, ça devait être tôt, ça, Kim Kardashian. Je dirais 14 ans? Bien joué. Wow. Ah ouais, 14 ans. Pile dedans, 14 ans. Chris Brown. Chris Brown, je sais pas, moi je dirais un 15 ans. C'est trash, hein. Non. C'est moi. Proposé. Je sais pas, 13 ans. 10 ans. 27. J'ai dit c'est moins. Je sais. 13. Non, c'est moins. 12. Non, c'est moins. C'est pas possible. 8. 11. C'est 8. Mais non. Ah non. Je vous jure, 8 ans et elle avait 14 ans. Il adorait a priori les filles plus jeunes. C'est un truc de malade. C'est horrible. Ah, mais non, mais c'est pas possible. 8 ans, 14 ans, il aimait bien les filles jeunes, mais je sais pas. Non, ça c'est pas normal. Bah, ça me fait pas rire. Personne ne fait l'amour à 8 ans. Hein. Non. Angelina Jolie. Oh. 18 ans. Non. 15 non. 24. Moins 14. Ouais, 14 ans aussi. Ah, 14 ans. Et franchement, ils se sont donnés assez tôt. Hein. Ouais. Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, non, Gad Elmaleh, ça doit être tard. Ah c'est non, pardon, c'est 14 ans. Non, 13 ans. Au Maroc en plus, c'est passé. 10 ans. Yannick? 22 ans. Mais pas du tout, c'est 12 ans et c'était effectivement au Maroc. Bah oui, bah je l'ai dit, j'ai dit 13. Hein. Oh. Bah c'était pas ça. Elodie Gossuin? Je dirais un 17-18. 16 ans. 16 ans. Ah ouais. Ouais, raisonnable. La moyenne. Johnny Depp? Oh bah lui, alors Johnny. Alors ça c'est mon Johnny ça. Hein. Ouais, je pense qu'il était dégueulasse avant. 15? 32. Non. C'est bien moins les gars. 11? Plus. 12? Plus. 13? Oui, 13 ans Johnny. Et franchement c'est archi tôt. Ashton Kutcher? Ah, Ashton Kutcher, moi je dirais un 19. Non, moins. 15 ans. 15 ans. Pile poil dedans, bien joué. Ouais, je me rappelle. Daniel Radcliffe, qui joue Harry Potter. Oh, ça a dû être tard, lui. Ah oui, c'était. Ouais. Non, parce que très, très tôt, il a joué dans Harry Potter, du coup, il doit avoir du succès. Ouais, mais il avait le petit look du sorcier asexué. 15 ans. Enzo. Ouais, je crois qu'il a pêché au Hermione et il avait 13 ans. Il en avait 16. Ah ouais. Pile poil au moment du succès, effectivement. Adriana Lima. C'est qui? C'est une célèbre mannequin, les gars, quand même. Ouais, est-ce qu'on. Ah, bah alors elle, très tôt aussi, parce qu'elle devait être. 15? Non, détrompez-vous, 26. C'est 28 ans. Ah bah. Wow. Elle est fervente catholique. Assisi, elle. Même entre deux défilés, il paraît qu'elle lit des passages de la Bible, tout ça. Du coup, elle a attendu 17 ans avant d'embrasser pour la première fois un garçon, et elle voulait rester vierge jusqu'au mariage. Alors après, est-ce que c'est vrai ou pas? Bah en tout cas, si c'est vrai, c'est hyper respectueux. C'est respectueux, mais est-ce qu'elle dit pas ça aussi pour. Mais surtout, est-ce qu'elle est toujours avec ce mec? Je sais pas du tout. Enquête. Vous le saurez demain. Céline Dion, à votre avis? Céline Dion, c'était tôt parce qu'elle a rencontré Renan Gélil jeune. 15 ans? 16. Non, mais t'imagines, 15 ans. Il avait 26 ans de plus qu'elle, ce serait glauque de ouf. Ouais, bah excuse-moi. Non, c'est 20 ans. Ah ouais? Effectivement, c'est la seule personne avec qui elle a fait l'amour jusqu'à présent, René. J'ai recherché. Mais de toute façon, elle a dit qu'elle n'aimerait plus jamais personne d'autre que René. Elle va faire l'amour avec d'autres mecs. Ouais, ça, c'est ma Céline. Bah peut-être pas. Hein. On fait une spéciale Céline là ou pas? Britney Spears. Oh bah. 20 ans. Non. 15 ans. Non. 19. 17. Non. 6 ans. 16. Non, c'est 14 ans. Oh là là, bah dis donc, elle est pas farouche. Hein. Ouais, je vous le dis, moi, j'ai une fille avec 14 piges. Ah, tu le sauras pas, mon pauvre. T'inquiète pas, j'ai des potes dans le quartier. Paris Hilton. Oh bah elle. Elle est dans le fœtus, elle. Un peu plus. 15 ans, Paris. On est vraiment chier. Franchement, en plus, ça veut rien dire. C'est pas parce que des filles ont l'air dévergondées, tout ça, qu'elles le font plus. Non, mais jeunes que d'autres. Oui, mais c'est vrai. Mathieu Delormeau. Ah. 15. Non, plus. C'est très étonnant, Mathieu Delormeau. Mathieu Delormeau, avant, il n'était pas du tout musclé. 19. Je crois qu'il était très queuse, donc peut-être 22. Alors, 19. C'est 19, bravo Anso, mais il ne faut pas forcément être musclé pour faire l'amour, Amir. Non. Non, mais je veux dire, du coup, il avait moins confiance en lui, parce que du coup, il a pris confiance en même temps qu'il fasse de la télé et qu'il a pris du poids. C'est pas faux. Bah oui. Isaac Newton, c'est le dernier. Je sais pas, Isaac. Bah si, ça. Un grand physicien, Isaac Newton, quoi. Newton, ah, la loi, Newton. Tout ça. La théorie de la femme. Ah, oui. C'est très tard pour lui. 25 ans. 12 ans. Non, vous êtes pas du tout, 30. Les gars. 30. Moi, je l'ai. T'as quoi? 4 ans et demi. Oui, Yannick. Puceau à vie. Exactement. Ouais, il est mort puceau à 84 ans. Il a passé toute sa vie célibataire parce qu'il a perdu la femme qu'il aimait à 17 ans. Oh. Du coup, il a plus jamais eu envie de se marier et de faire de nouvelles rencontres. C'est hyper triste. Il est mort puceau. Ben, tu vois comme quoi, Cyril, t'as quand même de belles années devant toi. Ouais, mais bon, j'espère quand même y passer avant. Mais moi, oui. Mon meilleur pote, il a 28 ans, il est encore puceau. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais c'est pareil, c'est il attend la bonne. Je sais pas ce qu'il attend là aujourd'hui, vraiment, je sais plus. Mais en tout cas, il a 28 ans, il est toujours puceau. Mais franchement, il le vit bien. Mais tu vois, Cyril, c'est un peu comme Isaac Newton. Lui, il est chagrin d'amour, il a perdu à 17 ans, il s'est dit, tu vois, il s'est voué à la recherche, quelque part. Alors que toi, t'es emprisonné par quelqu'un qui ne t'aime pas spécialement, parce qu'elle a déjà une autre vie et tout ça, il faut que tu vives la tienne. Ouais, trop important. On va essayer. Ok, Michon. Ok. Allez, tu nous tiens au courant dès que tu l'as fait, on veut tout savoir, d'accord? Pas de problème. Bisous, et j'aimerais quand même savoir si Pépère, lui, il a un âge de dépucelage, comment ça s'est passé pour lui? Bah Pépère, lui, il a jamais été puceau, les filles, faut le savoir, ça, hein. Bah non mec, quand t'es venu au monde au moins t'étais puceau là. Bah oui, mais alors en fait quelques minutes après que je sois sorti, je suis re-rentré direct quoi. Voilà. Ça, t'as pas compris? Bah si. Ah t'es re-rentré dedans, bah, ta mère. À peine sorti, bim, je suis rentré dedans. D'accord. Ah d'accord, Pépère, c'était bah, pas très bon. Bah j'avais un petit sexe, mais c'est fait l'amour hein. D'accord. Eh bien ne retrouvez pas cette vanne sur la scène du théâtre des deux ânes pour le spectacle de Pépère. D'accord, bah oui. Restez avec nous dans un instant sur Fun Radio, c'est Je te demande pardon qui va débarquer. Tout le monde le juge dans le studio. On se retrouve juste après The Chainsmokers sur Fun Radio, on est en direct jusqu'à minuit. La merde, ça va, vraiment. Toujours, mec. I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls, now you're looking pretty in a hotel bar. And I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer. Shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder, pull the sheets right off the corner of that mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. Vous avez envie qu'on vienne vous chercher au Bahut? Et bah ça tombe bien, on recommence Marion et Enzo Opération Bahut dans moins d'un mois. Pour s'inscrire, c'est très simple, hashtag Marion et Enzo Opération Bahut ou par mail marionetenzo@funradio.fr. Je sais, ça fait beaucoup de Marion et Enzo, mais enfin bon, c'est quand même le nom de cette émission. Hein, et c'est nous qui allons venir vous chercher. Et puis, il faut se plaindre à nos parents parce que c'est eux qui nous ont appelés comme ça. Voilà, allez, on fait des activités ensemble, on se marre, vous venez à l'émission, vous nous faites visiter la ville. C'est comme ça que ça se passe, les Opérations Bahut, c'est sympa, sympa. T'as un truc à te faire pardonner, c'est l'heure du. Vous avez fait une petite connerie ou une grosse connerie, je sais pas, vous avez cassé quelque chose, vous avez trahi l'amitié de quelqu'un, appelez-nous 01 42 48 5000, vous vous faites pardonner en direct avec l'aide d'Anso et de moi, et en plus vous gagnez la PS4 et le jeu The Last Guardian, plutôt pas mal. Oui, et puis alors en plus, le fait de se faire pardonner devant toute la France, ça a été prouvé parce qu'il y a une étude américaine qui a été mise en place. Et finalement, ça passe beaucoup mieux, le pardon est tout à fait accepté. Bah disons que ça fait plus, comment on dit, plus crédible, on sent plus la sincérité. Si vous le faites devant des gens, ça prouve votre bonne foi. Mais c'est complètement événementiel, Marion. Mélanie a un truc à se faire pardonner ce soir et elle appelle de Bordeaux. Bonsoir Mélanie. Salut la fille. Ça va Mel? Ouais, et vous? Ouais, très bien. Alors toi, t'as pas du tout la voix d'une fille qui a fait une connerie, quoi. T'as l'air complètement pompé-lope. Bah, je suis super contente de vous entendre, mais par contre, je suis hyper gênée par rapport à ma pote, quoi. Ah, alors déjà, merci, ça nous fait plaisir aussi de t'entendre. Et qu'est-ce que t'as fait à ta pote? Bah, en fait, on travaille dans le même endroit, on bosse toutes les deux à la poste. D'accord. Et il y a un nouveau gars qui est arrivé, un mec qui s'appelle Rémi. Et elle m'a dit direct, voilà, il me plaît trop, il est super mignon, j'ai envie de l'emmener boire un verre et tout. Ouais. Et le problème, c'est qu'en fait, il m'a invité à prendre un verre ce week-end. J'ai accepté et voilà, la fête faisant, mais je l'ai embrassé. Oh non! Ah oui, d'accord. Mais alors attends. Je suis vraiment super désolée parce que j'ai pas envie d'aller plus loin. En plus, j'adore Juliette et je suis super mal. T'as pas envie d'aller plus loin avec Rémi? Ben non, pas du tout. Et j'ai pas envie de perdre ma pote surtout. Ah ouais, mais tu savais quand même qu'elle l'aimait bien. Pourquoi avoir pris le risque d'aller boire un verre avec sans lui dire? Je sais pas. J'étais toute seule, je m'ennuyais, il m'a invité. Puis si je puis me permettre, Mélanie, on met pas comme ça sa langue dans les bouches de gens qu'on n'a pas envie d'aller plus loin. Oui, c'est vrai. Non, hein, mais c'était vraiment une bêtise. Et en plus, Juliette, bon, c'est vraiment une super collègue, une super amie. Bon, tu t'en veux, c'est le principal, il va falloir être sincère. À mon avis, elle va mal le prendre, hein, je te le dis. Ouais, ouais, bah j'imagine. Allez, on l'appelle Juju et bien sûr nous serons là, Mélanie, dans la souffrance. Merci. On est avec toi. Allô, Juliette? Oui. Ouais, c'est Mel. Ça va? Ah, ça va et toi? Ouais, super. Je te dérange pas? Non. Bon, écoute, je voulais te parler d'un truc. Franchement, j'ai pas envie d'y aller par quatre chemins, donc voilà, je vais te dire vraiment comme je le pense. Ouais. Bon, tu vois Rémi, évidemment. Tu vois qui c'est. Tu lui as parlé? Ben en fait, il m'a invité à prendre un verre ce week-end. T'es sérieuse? Ouais, il m'a invité à prendre un verre, j'y suis allée. Et voilà, on a parlé et tout. Et bon, on a un petit peu consommé d'alcool. C'est pas bien du tout, je sais. Et voilà, bref, on s'est embrassés. C'est une blague? Non, c'est pas une blague. Franchement, je m'en veux. Enfin, vraiment, je m'en veux énormément. Sache que je regrette. Ouais, bah, Non, mais il s'est rien passé de plus et je lui ai dit direct que c'était une mauvaise idée, que je regrettais. Franchement, je pense que lui aussi et voilà. Et Mélanie, je t'arrête direct. Non, mais à un moment donné, quand je te parle d'un mec, je te dis que je l'aime bien et tout, et toi, tu me fais ça dans le dos. T'es sérieuse ou pas là? Mais franchement, en plus, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je tiens énormément à notre amitié. En plus, on va pas ensemble. Ouais, ça se voit carrément, ouais. T'as vraiment une drôle de conception de l'amitié, toi, j'ai l'impression. Juju, écoute-moi, s'il te plaît, vraiment. Je te jure, je lui ai parlé, en plus, je lui ai parlé de toi après. Je lui ai dit que c'était pas possible, que c'était mon ami, etc. Enfin, en plus, il t'apprécie beaucoup, franchement, je pense que... Ouais, bah ça se voit aussi, lui, d'ailleurs. Non, je te jure. T'es sérieux tous les deux à faire des trucs comme ça dans mon dos? Je te jure. En plus, tu sais que je l'aime bien, je t'en parle. T'es non, mais je l'aime bien. Écoute-moi, je te jure qu'il m'a parlé de toi après. Je te promets, il m'a dit qu'il te trouvait hyper mignonne, hyper intéressante, etc. Enfin, vraiment, c'était absolument ridicule ce qu'on a fait tous les deux. Il n'y avait rien eu de plus. Alors que vraiment, je pense qu'avec toi, ça peut le faire, quoi. Non, mais je te promets, je suis désolée, Ju. Bah, franchement, là, d'un coup, j'ai plus trop envie que ça se fasse, quoi, tu vois. Enfin. Mais c'était un tout petit galoché et tu crois que franchement non, c'était pas une galoche, c'était un bisou, rien du tout. Je te promets, et après on a parlé de toi tout le restant de la soirée et en plus moi, enfin voilà, je t'aime trop, j'ai pas envie de t'es vraiment devenue une amie, enfin voilà quoi. Donc je te demande vraiment de me pardonner, s'il te plaît. C'est hyper important pour moi, quoi. Franchement, je sais même pas quoi te dire. T'es écœurante. Ah oui, écœurante, ça fait mal, ça. Ah ouais, ça, c'est, on se le prend pleine face, le écœurante, dis donc. Juju ? Allô ? Ouais, Juliette ? Bonsoir, Juliette, c'est Marion et Anso, t'es en direct sur Fun Radio. Alors non, ce n'était pas un canular, elle a vraiment embrassé Rémi. Elle nous a appelé pour participer au Je te demande pardon. C'est une rubrique phare de cette émission, en fait, parce qu'elle avait vraiment besoin de s'excuser auprès de toi, devant tout le monde. En plus de ça, la meuf, elle est obligée d'appeler la radio. Non, mais t'inquiète. Non, mais au contraire, Juliette, c'est plutôt une preuve d'amitié qu'une humiliation. Et surtout, elle n'a pas donné la ville, tout ça, elle n'a pas donné trop d'informations. On n'a que vos prénoms, donc t'inquiète pas, personne ne va te reconnaître. Enfin, mais elle se sent mal. Ouais. Quoi ? Ah bah, en Bordeaux, quand même. Un coup, super, quoi. Ouais, non, mais je comprends. Moi, je vais être sincère avec toi. J'aurais eu la même réaction que toi. Donc, je peux pas aider plus Mélanie que ça. Après, la seule chose que je peux te dire, c'est qu'elle se sent vraiment mal, qu'elle regrette. C'était un petit bisou. Et que de toute façon, elle est pas intéressée par lui. Donc, prends le temps de digérer ça. Mais votre amitié, elle vaut plus que ce petit bisou de rien du tout, tu vois. Je te le dis. Après, voilà, je comprends. Ouais, mais voilà, quoi. Tu vois, moi, une copine, elle vient me parler d'un mec. Je vais pas aller me galocher dans la foulée, quoi. Je suis désolée, ça se fait pas. Bien sûr, Juliette. Mais là, t'es encore sous le coup de la colère. C'est normal. Faut que tu digères tout ça. Mais en réalité, c'est pas si grave. Il s'est pas passé grand chose. Et je pense qu'effectivement, si Mélanie le dit, il y a peut-être quelque chose d'envisageable avec ce Rémi. Et que c'est juste, tu vois, un petit loupé, voilà, dans le parcours. Ouais, c'est un gros loupé. C'est un gros loupé. Ouais, c'est clair, quand même, ouais. Et voilà, et je pense que tout va s'arranger. Elle est vraiment désolée, tu sais. Elle a regretté dans la seconde où elle l'a fait. Hein. Vraiment. Mmh. Ok, ouais. Tu vas y réfléchir pour essayer de lui pardonner, peut-être. Ouais, je vais réfléchir, ouais. Bon, Mélanie. Ouais. Chérie, c'est pas gagné. En même temps, on savait que ça finirait pas forcément bien. Parle tranquillement hors antenne à ta copine, d'accord ? D'accord. Éventuellement, peut-être offre-lui le cadeau parce que c'est gagné. Hein. Tu repars avec la PS4, le jeu The Last Guardian, les places pour la Paris Games Week. Partage tout ça avec elle parce qu'elle le mérite. Génial, merci les filles. Et Ju, on se parle hors antenne, je te jure. On va s'expliquer. Voilà. Et garde ta langue dans sa bouche. Non, mais oui, et puis Juliette, va avec Rémi à la Paris Games Week. Ça peut être un bon date, ça. Ouais, je vous les offre. Franchement, je vous les offre, évidemment. La main sur le cœur, cette petite Mel. Allez, discutez entre vous, les filles, ça va s'arranger. Mais on comprend, Juliette, on est avec toi aussi. Hein. Ouais, merci. Bisous, les chéries, on vous embrasse. Gros, gros, gros bisous. Bisous, Mel. Bisous, ciao. Je veux vous entendre crier dans le studio. Dans un instant, on va parler de quoi ? On va parler de... Voilà, il va falloir qu'on aide Olivier. Olivier a très envie de faire une pratique sexuelle, mais il ne peut pas le faire. Ah d'accord, il ne peut pas parce qu'il n'y arrive pas ou parce que son corps ne lui permet pas ? Alors parce que le corps de sa copine ne lui permet pas. Je vous donne un indice ? Oui. Bon bah vous connaissez Madrid, l'Espagne, tout ça ? Ah d'accord, j'ai compris. Sexuelle avec l'Espagnol. Voilà, on va en parler avec lui dans un instant. Et si vous aussi, il y a des choses comme ça dans le sexe que vous n'arrivez pas à faire, appelez-nous 01 42 48 5000. On se retrouve après Dimitri Vegas et Like Mike sur Fun Radio. Inséparable. When the stars start to fall, will you love me, will you call? I need you close, don't run away. Don't run away. Chasing highs in the midnight sun, we fought for love, we were on the run. Tried my best to give you what you need, so one more chance, please don't leave. Made it way past broken hearts, won't you stay a while, stay a while. We are still on the run, never had enough, never catching us. These lights got me in a daze. I need you close, don't run away. Don't run away. I want you by my side. I hope you never leave. I'll just keep holding on. I'll just be all you need. This life is all we know. This life is all we know. Made it way past broken hearts. Stay a while, stay a while. We are still on the run. Never had enough, never catching us. We are still on the run. Never had enough. 23h44, c'est Marion et Anso, le Night Show. Et vous le savez, si vous connaissez cette émission, passé 23h30, on aime bien parler cul. On va parler cul avec Olivier. Et c'est un truc dont on n'a jamais abordé encore, c'est les choses que vous ne pouvez pas faire sexuellement à cause d'un problème, je sais pas moi, physiologique ou un truc, vous n'avez pas l'aptitude pour le faire. Lui, c'est sa copine a priori qui n'est pas capable. Bonsoir Olivier de Dunkerque. Salut les filles, comment ça va? Bah ça va et toi? C'est une bonne journée. Écoute, ça va très très bien, à part que j'ai un petit problème, j'ai un peu honte d'en parler comme ça à l'antenne, mais bon après je me suis dit, tant qu'à faire, autant vous appeler parce que c'est vrai que vous êtes assez ouverte pour pas mal de choses et vous aidez pas mal d'auditeurs quoi. Oui, mais enfin puis en plus des Olivier de Dunkerque, il y en a à l'appel. Oui, c'est gentil. Ouais, mais... c'est clair. Mais c'est vrai que c'est courageux et merci de nous appeler parce que franchement moi je me dis toujours, ils sont hyper cool quand même d'appeler comme ça et de raconter leur vie sexuelle. Leurs problèmes sur l'antenne. Ouais. Bravo et merci à vous parce que nous, ça nous fait kiffer de discuter avec vous comme ça tous les soirs. Merci. Alors raconte-nous, toi, Olivier, je donnais un indice. Toi, il y a un truc que tu peux pas faire au lit avec ta copine. Exactement. Moi, je rêve d'une bonne branlette espagnole. Sauf que le problème, c'est que ma copine a des petits seins. Ouais, alors pour expliquer aux plus jeunes qui connaissent peut-être pas cette pratique, en fait, la branlette espagnole, comme tu dis, c'est le fait de masturber le sexe de l'homme entre ses deux seins. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est un truc. Alors, franchement, c'est pas un truc hyper répandu. Moi, personnellement, je l'ai jamais fait. Alors, moi, je trouve que ça n'a absolument aucun intérêt. Voilà. Mais ça peut être un délire pour des garçons, surtout si les filles ont une grosse poitrine. Voilà, je pense que c'est plus l'excitation, ça dure 10 secondes, quoi. Tu fais pas ça non plus 1000 ans. Non, bah après 10 secondes, c'est un peu court, mais. Ouais. Mais du coup, elle fait quoi à peu près comme taille de soutien-gorge, tout ça? Elle a vraiment de petits seins? Ouais, 85B. Un petit 85B, quoi. Ouais, ouais, c'est léger, ouais, c'est sûr. C'est sûr, mais c'est vraiment un fantasme, c'est un truc qui t'obsède, tu peux pas faire sans quoi. Ouais, mais tu sais, on aime bien regarder les films un peu porno ensemble, et puis voilà, et il y avait une scène comme ça avec la branlette espagnole, je dis, ah putain, je rêve que tu me fasses, un jour que tu puisses me faire ça, quoi. Et elle me regarde, elle se lève comme ça, bon, on dort tout nu, donc voilà. Et elle se lève sur le lit, elle me regarde, elle me dit, mais regarde, avec mes seins, on peut pas faire grand chose, quoi. Oui, c'est vrai. Mais même si elle appuie très fort sur ses seins et qu'elle les rapproche, il y a pas moyen. Non, il y a pas moyen. Il y a pas moyen. Il y a vraiment pas moyen, quoi. Après, il y a plein d'autres choses à faire au lit pour s'éclater, Olivier, ah tu ouais, vois. Non, mais bon, ça y a pas de souci. Non, il y a pas de souci. Mais c'est vrai que bon, le problème, c'est que elle a des amis, elle a des copines qui ont des seins, mais immenses, quoi. C'est pas une solution d'aller voir les amis. Il y a une nymphomane qui nous a expliqué un peu. Écoute, si tu veux essayer, bah il y a pas de souci. On est assez ouvert, en fait. Olivier, non. Tu ne tromperas pas ta copine. On a des solutions pour toi. On a notamment trouvé des seins artificiels dans le marché. Je vous jure, c'est vrai. On va vous expliquer tout ça et vous appelez-nous la 01 42 48 5000 si vous avez un conseil pour lui ou s'il y a quelque chose que vous aussi votre corps ne permet pas de faire sexuellement. Ah, dans l'équipe, on a fait le topo, on a de l'anecdote. Ah, c'est croustillant. Oh, bougez pas, on revient tout de suite. La radio numéro 1 sur les nouveautés dance, électro. C'est Fun Radio. WNW. Feder. Calvin Harris. David Guetta. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Emmenez Fun Radio partout avec vous, avec l'appli Fun Radio sur iPhone. Radio, la radio connectée avec vous sur Twitter, Instagram et Snapchat, avec le compte Fun Radio FR. Toute la journée, partout, suivez Fun Radio. Non-stop. Fun Radio. Le son dancefloor. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all testify, screaming the holy lie. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, screaming the holy. C'est bien lire l'heure, c'est le moment de parler cul dans le night show. Allez, tout le monde à poil. Restez avec nous dans un instant sur Fun Radio, on va vous faire découvrir le tout nouveau Soprano. Alors nous, c'est vrai que dans l'équipe, on a écouté un tout petit bout. Oui. On peut vous le diffuser qu'à minuit, donc restez là, il reste 8 minutes. Et franchement, vous allez vraiment kiffer. Il est vraiment canon. J'adore, et c'est tout à fait le son que j'ai envie d'écouter à minuit en plus. Bon, de toute façon, avec Sopra, on n'est globalement jamais déçus, hein, ça c'est sûr. Hein. Et il avait quelqu'un d'autre, c'était une surprise. Oui. Oui, tout à fait, bon, on le dira tout à l'heure, on peut tout, tout dire non plus. À minuit. Olivier de Dunkerque était avec nous, il a un souci sexuellement, il peut pas faire un fantasme, c'est la branlette espagnole avec sa copine, oui. Parce qu'elle a des tout petits seins, elle fait un 85B, donc c'est un peu compliqué. Donc du coup on en parle avec lui, et avec Marion, on a trouvé une solution. Oui, c'est vrai, il y a des seins artificiels, alors c'est vraiment pour se taper un délire avec sa copine, hein. C'est pas un truc à prendre au premier degré, mais ça peut être marrant pour la vanne. Non mais surtout c'est des seins artificiels, il faut savoir que c'est des seins qui normalement sont utilisés pour des déguisements. Donc c'est quand même pourri. Après Olivier, pour la vanne, ça vaut le coup parce que ça coûte 5 euros. Et franchement ouais. Donc c'est quand même pas très cher. Après je pense que ça peut être un échec total. Et ça peut être tout sauf excitant. Bah pourquoi ouais, pas aussi, ouais. Après il y a la sensation, oui Yannick. Attention le plastique, j'ai peur que ça glisse pas assez. Oui mais il y a du lubrifiant oui. Tu vois, moi je pense que tu peux au moins, pour délirer avec ta meuf, dédramatiser tout ça, le faire, tu vois. Après, il n'y a pas 36 solutions, de toute façon, elle va pas se faire refaire les seins pour te faire plaisir si elle est bien dans sa peau, il n'y a pas de raison. Et tu vas pas la tromper parce qu'on trompe pas pour ça, hein. On trompe pas tout court, mais encore moins pour cette pratique, quoi. Après, j'ai vu d'autres trucs, t'as du silicone aussi, c'est un peu plus cher, hein, 90 euros ou 37 euros. Ouais. Voilà. Il y a des fausses fesses, hein, si également vous avez un fantasme de fesses. Vous pouvez également investir. Ah, il y a même une fausse poitrine, les gars! Elle est bien faite! Mais non! Une fausse poitrine, trois seins! Oh ah, c'est génial! Il faut la mettre sur les réseaux, les gars, vous la mettez. Hein. 3 nibars, 3,85€, alors que 2 nibars, 5€. C'est quand même une belle affaire! Tu vois, Olivier, on a plein de solutions pour toi. Et au pire du pire, tu te passeras de cette pratique. Si ça se passe bien au niveau cul avec ta copine, tu t'en fous. Bah, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Et bah, voilà. C'est vrai que voilà, c'est un petit fantasme, et je me suis dit, bon, il y a d'autres choses. Exactement. On expérimente pas mal de choses ensemble, donc voilà. Et Olivier, bon. Bouge pas, j'ai envie de savoir dans l'équipe là, les blocages que vous avez, c'est-à-dire les choses que vous ne pouvez pas faire à cause de votre morphologie, ou je sais pas, Anso par exemple. Bah moi, il y a des trucs que je peux pas faire, genre les trucs trop acrobatiques, genre. Enfin, c'est un truc que personne fait, je pense, j'imagine, mais le 69 debout. Ça, c'est un truc qui me dépassait. Ah ouais. Le gars est debout et il tire la nana. Bon, déjà, moi, ça me dépasse totalement, c'est-à-dire que. Mais pourquoi tu peux pas le faire, chambre en bas? Parce que je peux pas, déjà, je suis beaucoup trop petite, donc ah moi, oui. J'arriverai au nombril de la personne, donc ça sert à rien. Ouais. Et puis, c'est trop acrobatique, moi, j'aime pas me faire porter, tu vois, faut que on soit un peu à l'aise comme ça. C'est pas faux. Toi, c'est quoi, Marion? Bah moi c'est tout simple, en fait moi faut savoir, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai le cuir chevelu hyper sensible. Je suis vraiment douillette là-dessus, du coup impossible de me tirer les cheveux pendant l'acte. Impossible. Oui, je sais. Oh là là, mais les mecs ils kiffent ça en plus quand même. Je suis désolée, t'aimerais bien te faire tirer un sourcil toi. Il y a des choses on évite. Non mais sans vanne, moi j'ai mal, donc voilà, faut respecter. Ouais, ça fait kiffer les mecs. Eh ben pas moi. Après, ça dépend. Vous n'êtes pas obligé de tirer des cheveux comme dans une cour de récré. Mais non, mais tu tirotes. Voilà, on tirote. Hein, tout dans la douceur, un petit peu de bruscation, mais c'est tout. Ça ne se dit pas, bruscation. Non. Valentine de Bordeaux nous a appelé. Bonsoir, Valentine. Ouais. Salut les filles, salut l'équipe. Ça va, Valentine? Ça va, merci. Alors toi, qu'est-ce que tu ne peux pas faire sexuellement? Écoute, moi, c'est simple. J'ai un problème physique au niveau du rectum, on va dire ce qui est. Qui m'empêche de pratiquer la sodomie. D'accord, mais c'est quoi ce problème physique? Ça m'inquiète. Ça serait compliqué d'expliquer comme ça, mais c'est vraiment pas une malformation, mais quelque chose vraiment physiquement qui m'en empêche. C'est d'accord. Vraiment pas possible. Ah, genre, ça passe pas, quoi? Non, voilà, c'est vraiment impossible. Ah, d'accord. Ça pourrait déjà m'occasionner des douleurs, donc j'ai même pas envie d'essayer. Ouais. Et puis ça pourrait potentiellement m'occasionner des problèmes, donc voilà, je... Mmh. Après, c'est pareil. Ça a déjà posé problème à des copains avec qui j'ai été. Qui... Oh, ça va. Attends, ils vont pas te larguer parce que tu peux pas pratiquer la sodomie. Mais quand même. Non, pas à ce point-là, mais il y en a qui tente, qui essaye. T'as beau expliquer par A plus D, mais non, je ne peux pas, c'est pas que je ne veux pas, c'est voilà, c'est, il y en a qui le prennent mal, mais voilà. Et c'est pas très sexy d'expliquer que t'as un problème au niveau du rectum, tout ça, j'imagine. Terrible, on est d'accord, hein. Ok, bon bah écoute, donc, voilà. Merci d'avoir partagé ça sur Fun Radio, c'est courageux, encore une fois on t'embrasse. De rien, bisous, bonne soirée. Bisous à toi, Valentine. On a Maxence aussi à Nice. Bonsoir Maxence. Salut Marianne, salut toute l'équipe. Salut. Ça va toi? Ouais, tranquille. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu ne peux pas faire sexuellement parlant? Alors moi je peux pas faire une gorge profonde à ma meuf parce que j'ai une trop petite bite. Oh Maxence. Mais quand tu dis trop petite, c'est-à-dire à peu près on est à combien? C'est-à-dire que en érection je suis à 10 cm. D'accord. Bah après, est-ce qu'il faut vraiment avoir une taille limite pour faire une gorge profonde? C'est plus l'acte d'aller le plus loin possible, tu vois. Puis surtout, 10 cm, quand même, hein, tu vois, dans la bouche... Non, ça t'écœure pas. Enfin, tu peux pas avoir l'effet escompté, mais... Moi, ça me dégoûte, ça. Ouais, puis est-ce que c'est vraiment un fantasme pour toi de faire ça? Bah non, mais j'aimerais bien tester. Ouais, moi je comprends, Maxence, mais bon... Ouais... Bon après il y a pire, et puis franchement ta copine je pense pas que ce soit le truc qu'elle a envie de faire à tout prix, la gorge profonde, donc au pire tu vois. Ouais. Ouais, à mon avis elle aurait bien essayé elle aussi, mais bon. Bah c'est pas grave, effectivement tu peux pas faire grand chose, tu peux essayer d'aller le plus loin possible pour voir, mais tu pourras pas faire comme dans les pornos, et franchement c'est pas ouf, franchement tu perds rien. Mais oui Maxence, faites un concours avec ta copine, mais tu vas voir ça va être cool. Ok. Ok. Ouais. On t'embrasse Maxence. Moi aussi. Bisous. Il y a Thibaut à l'arrière qui avait une histoire avec une de ses ex, raconte. Ouais, moi j'ai une de mes ex, genre qui avait des problèmes au genou et du cuit, après c'était impossible. Du pour cuit moi. Donc. Hein. Du cuit. Mais genre pour moi c'était interdiction de le privé de le. Ah mais arrêtez avec ce mot. La levrette, arrêtez avec ce mot le, enfin. Mais c'est mignon. Non, c'est pas mignon quoi. Alors, c'est fait la le. Alors attends, elle pouvait pas faire la le parce qu'elle avait mal au genou quand elle était en position. Impossible de se mettre sur les genoux. Du coup, je pouvais pas, voilà. C'est énorme. Et Amir, lui, il peut pas faire l'amour debout, c'est ça? Je pouvais le dire tout seul. Hein. Bah oui, mais bon, je fais un peu le topo. Ouais, et pourquoi? Ouais, je peux pas. Parce que je sais pas, mais je pense que c'est physiologique. Ouais. Si je fais là, je l'ai essayé une fois. Et en fait, je commence à avoir des étoiles, et puis j'ai le cœur qui s'emballe. Ouais. Et puis si je continue, je suis un malaise. Ouais, donc c'est pas utile parce qu'à la base, on est là pour se faire du bien. Ouais, mais de toute façon, quand je suis debout, au bout de 3-4 allers-retours, ça devient de plus en plus mou. Tu vois, c'est... Merci pour tous ces détails, Amir. Puisqu'on est dans le glamour, on va demander à Pépère. Pépère, est-ce qu'il y a quelque chose que toi tu ne peux pas faire? Pépère, lui, il peut pas lécher le trou du cul de mes mères, par exemple. Hein. C'est dégueu, c'est normal ça, Pépère. Une fois, Pépère, il a essayé, il a failli perdre sa langue. Elle a trop de cul dégueulasse, elle. Hein. Horrible. C'est le cul pourri, cette vieille. En tout cas, tu mets bien ta meuf en valeur, Pépère. Hein. Ça, c'est cool. Hein. C'est plus ma meuf à ce niveau-là. Hein. Bon, d'accord. Je ne demanderai pas à Yannick du standard, Yannick le pervers, les trucs sexuels qu'il peut pas faire parce qu'il n'y en a pas. Non. De toute façon, le mec peut tout faire, c'est sûr. Vraiment, Yannick. Ah non, moi, je repousse toutes les limites.

Hein, elle le fait bien, elle te lance, mais comme ça, quoi. Non, mais c'est vrai que tu nous fais de la frissonnade. Ah, et bah, comment tu te sens quand tu sais que tu fais frissonner la France comme ça tous les dimanches soirs? Je m'en rends pas compte, mais. Eh ben, sache-le maintenant. Mais je vais y réfléchir, effectivement. Bon, Miko, c'est avec vous jusqu'à 1h du mat pour Party Fun Deep. Demain, on aura de l'invité dans le Night Show. On sera de retour en direct à 22h et c'est Ilyes Jadel qui sera notre invité. Et puis mardi soir, ce sera Kinvé. Marion et Anso, tu es bien sur Fun Radio. Ce soir, c'est le Night Show de Marion et Anso. J'adore quand il l'a fait en concert, celle-là. Belle version. En tout cas, si vous voulez poser des questions à l'un ou à l'autre, Marion et Anso, @funradio.fr. Demain matin, c'est Bruno dans la radio qui va vous réveiller à partir de 6h. Et puis nous, on se quitte en chanson. Est-ce qu'on était content d'être là? On était content d'être là. Merci beaucoup. Are you ready to go? Jusqu'à 1h. C'est Party Fun Deep. Sur Fun Radio. Let's go. Party Fun Deep. Party Fun Deep. Avec Miko C. On Fun Radio. Les amis, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Comme Mario et Anso, vous allez frissonner pendant une heure tous les dimanches soirs avec le son de Party Fun Deep, saison 2, épisode 6. C'est des grosses nouveautés. Le nouveau Lush Frequencies qui est dispo sur son album qui sera dispo dans les bacs à la fin du mois. Lush Frequencies avec la bombe de What Is Love 2016, Control Training et McCall. Là aussi, il y a une petite merveille à écouter avec le son de Run. Bootleg aussi dans 3 minutes parce qu'il y a beaucoup de nouveautés ce soir et beaucoup d'exclus. Kongs avec Justin Bieber à découvrir juste après le nouveau David Guetta avec Chris Willis. Il est de retour. Voici le Would I Lie to You. Belle soirée tout le monde. Je m'appelle Miko C. C'est en direct. Minuit 6. Ça va pas du tout cette histoire. Party Fun Deep, on y va comme ça. Welcome on board. Yeah. Deep avec Miko C. Sur Fun Radio. yeux de voir ainsi. No one knows except for me. And I know the time has gone. So run to the water, baby, run. Survive. Oh, you're showing me an adventure.